Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! C'est bon, ça rec, c'est bon, non, ça rec. Allez, tu imites du sien de la Non, mais parce que moi, j'ai tout le temps envie de lui demander de faire les 30 fois les imitations qu'elle mais fait. Mais c'est pas des imitations, c'est qu'en fait, Josène si. Balasco, elle a fait le papotin. Elle a fait le papotin. Oui. L'émission que produit mon grand frère, notamment. Bien sûr. Ah, émission extraordinaire, elle a fait le papotin. Et Josène Balasco, quand elle était plus jeune, elle a fait un film. Où elle avait les cheveux un peu rouges comme ça. Ouais. Et, les journalistes du papotin. Ont bloqué sur le fait qu'ils pensaient que wow, c'est compliqué à expliquer. Vous connaissez ce dessin animé qui s'appelle Miraculous Ladybug? Bien sûr. D'accord. Il y a des personnages dans Miraculous avec Chat Noir. Avec Chat Noir. Ouais. C'est un dessin animé pour les enfants. Il y a un personnage qui a notamment les cheveux rouges. Et il s'avère que la version française est donc portée par une voix. Et les journalistes du Papotin étaient persuadés que Josène Balasco faisait la voix de ce personnage. D'accord. Aussi parce qu'ils avaient vu cette image, cette fameuse image de l'époque avec les cheveux rouges. Donc à un moment donné elle dit ah, je suis désolée, on lui demande si c'est elle qui a fait la voix à un des journalistes et elle dit non je sais même pas de quoi vous parlez, je connais pas Ladybug et non j'ai pas fait la voix. Et puis tout au cours de l'émission tous les journalistes lui disent en tout cas c'était super, c'est super ce film et puis c'est génial que vous ayez fait la voix de Ladybug. Et donc elle dit ben non mais j'ai pas fait. Et puis plus on avance dans l'émission plus elle dit je connais pas le Ladybug, j'ai pas fait la voix de je connais pas, c'est pas moi en fait. Coup, et ça, c'est sorti, c'est monté, c'est diffusé. Il y en a peut-être un peu plus au Rush que oui, la version définitive. Quand elle en étrangle un, on sent qu'effectivement. Mais je connais pas moi ça. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça se marre déjà. Bah, c'est incroyable. C'est incroyable. Je suis Florent Bernard et comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Comment vas-tu, Adrien? Ça va et toi? C'est vrai qu'en plus, je t'ai même pas demandé comment ça allait vraiment dans la discothèque. Je suis arrivé en retard et c'était un peu. Voilà, on était pressé donc on n'a pas eu le temps de faire des politesses. Mais ça va. Mais on a parlé de Gérard Vives et de Vincent Lagaffe. Enfin, on a quand même pris le temps. On a quand même pris 5 minutes pour le faire. Nos deux invités aujourd'hui, notre premier invité, c'est sa première fois dans le Floodcast. Il joue son spectacle sur scène tout en interprétant Fadinard dans Un chapeau de paille en Italie. On l'a vu dans Parents d'élèves, La Flamme, Les Amateurs, Terrible Jungle, mais surtout, il vient de mon hood, le 7-1. Oui, évidemment. Représentant les Mâconnais, Locher, Saint-Jean-Lapriche, Cluny, RDV au spot avec Antoine Griezmann et Marine l'Orphelin, c'est Vincent Dedienne. Oh, bonjour. Ouais. Sont d'autres Mâconnais célèbres que j'ai cités. Je sais pas si tu étais au courant. Oui, Antoine Griezmann. Avec Lamartine aussi, avec Alphonse de Lamartine. Oui, mais ouais. Ça, les gens le savent. Ouais. Les auditeurs le savent, ça. Pas besoin de le rappeler. Mâconnais que le Ils ont relu. Ils ont relu toi, Lamartine. Bien sûr. Notre seconde invitée, réalisatrice, scénariste et comédienne, on l'a vu pêle-mêle dans Kaamelott, Le Marsupilami, La Flamme, Le Flambeau, Hippocrate, Le Cours de la Vie. En ce moment, elle est sur MyCanal pour le documentaire Elle parle d'elle sur Gisèle Halimi. Un point commun avec Vincent, puisque ce dernier a prêté sa voix pour un documentaire sur des figures au moins aussi importantes. Les Jones. C'est oui, rappelez-vous. Ah, oui, bien sûr. On est ravis de l'accueillir à nouveau dans le podcast. C'est Géraldine Nakache. Bonjour. Hey. Merci. C'est vrai que tu joues pêle-mêle. Je joue pêle-mêle. Ouais. À chaque fois que je te vois, je me dis c'est les pêle-mêles. Je suis très pêle-mêle. Mais vous venez tous les deux parce que vous jouez dans un film qui s'appelle Je ne suis pas un héros de Rudy Milstein. Avec aussi Isabelle Nanty, Sam Carman, Anna Servinka et Sébastien Castro qui sont tous les deux d'ailleurs très très très drôles dans le film. J'ai eu la chance de le voir, on va en parler tout à l'heure. Mais avant toute chose, c'est le Floodcast et on sait, alors on s'est un peu renseigné, on sait que Vincent, tu adores les jeux. Ouais. Ah bah, j'ai vu ça dans un bon moment. Tu es féru. Tu es juré d'un festival, ça c'est. De jeux de société, oui, tout à fait. Mais il faut pas trop en parler à Jean-Luc Nakache parce que ça l'énerve que j'ai cette question. Ah, pourquoi moi, ça m'agace. C'est-à-dire, elle aime pas que je chante trop et que je joue trop. Non, mais c'est-à-dire que c'est incroyable, je le trouve génie, je l'aime, j'ai vraiment c'est une rencontre incroyable, Vincent Dedienne, c'est vrai. Ouais. J'attends j'aime le mai. Tout. J'aime tout de lui. Tout de suite. Mais ça me saoule qu'il veuille tout le temps faire des jeux de société, tout le temps chanter. Ça suffit avec ça. Mais moi, c'est toi, chiant. Attends, toi, ça t'énerve les gens qui chantent. J'ai cru voir que tu adorais chanter. Tu... Non, mais d'accord. Non, mais là... il veut... non, mais quand il chante pour lui, pour nous, pour notre plaisir, super. Mais il veut toujours qu'on chante avec lui. Mais oui. Ah. Laisse-moi et tranquille. Et où qu'on joue le climax étant quand j'appelle Jarline Nakache pour lui supplier de faire N'oubliez pas les paroles. Mais ça va ça, pas, la tête. Mais ça va pas, laisse-moi tranquille. J'avais une invitation de Nagui pour faire N'oubliez pas les paroles avec Jarline, c'était trop content. Et pas tout le monde de là. Hein, pas tout le monde a cette invitation. Non, mais il faut qu'il me laisse à cet endroit. Et pour mieux qu'il me laisse à cet endroit, je pense qu'il faut que lui-même se laisse un peu. Et qu'il cesse un peu avec ses jeux de société. Mais justement, le fait d'être juré, c'est un peu sa bulle où il peut s'exprimer justement sur cette passion. T'as raison, quoi. C'est vrai. Voilà, il fait des efforts quand même. Bah, je m'exprime vachement, oui. Mais cela dit, j'ai vu une autre émission avec toi où tu étais assez sec sur les jeux, quoi. C'est-à-dire que carrément, tu disais, il y a des jeux, c'est des merdes. Ah, ben wow. Non, mais parce genre que les jeux connus. Non, mais quand tu dis que tu aimes les jeux de société, on te ressort encore le Monopoly, le Pictionary, le Mastermind, comme si rien n'avait été. C'est comme si on disait à un amateur de séries aujourd'hui, ah, ben bien sûr, les séries d'Eric. L'homme de Picardie, Maggie, voilà. C'est la même chose. Mais il y a un côté plaisant, mais donc c'est classique. Mais c'est de la merde. Ah oui, ah vous oh allez là me mettre en colère dès le début. Ah là là, Jean-Pierre Coff. On est des pros très vite. C'est les Jean-Pierre Coff du jeu de société. C'est de la merde, le Monopoly. Cela dit, je hais le Monopoly. Alors, j'avais oublié, j'ai joué il y a 2 semaines avec ma fille. Ah, donc tu joues quand même. Bah oui, parce que j'ai un enfant, donc je ne fais pas encore. Tu fais 2-3 efforts. Je fais 2-3 efforts. Il faut absolument que je vais t'envoyer, je vais te faire livrer un colis de jeu. Oui, ça dure 4 heures. C'était un enfer. Ça n'a pas de fin. C'est horrible. Et puis ça apprend vraiment des valeurs à nos herbes. C'est terrible les jeux de société où tu finis par dire. On arrête. C'est vraiment une tristesse. Il n'y a pas de gagnant, pas de perdant. Ouais. Bon, on arrête. Ouais, là, t'en as un peu marre. Ouais, moi aussi. C'est vrai que c'est horrible. Une tristesse. Ouais. Donc, nous, on a un jeu dans le podcast. Alors, un des jeux les plus originaux de la Terre, puisque c'est un plagiat éhonté des grosses têtes, d'ailleurs, dans lequel tu as officié. Je ne sais pas si tu officies encore. Tout à fait. Donc, tout en fait. Gros, on parle un peu d'actualité un peu insolite. Il y a des trucs que t'aimes bien chez lui quand même. J'aime tout sauf okay. ça. Sauf le reste. Non, sauf l'idée du jeu, de jouer en permanence comme ça. Moi, allons-y, jouons. Je suis totalement avec toi sur le côté jouer tout le temps. Ah, merci, André. C'est vrai que t'es fou de jeu, toi. Après, moi, c'est parce que je suis immensément triste et que ça m'apporte un peu de. Mais voilà. Mais regarde, ça fait de l'enfance conservée. Regarde, là, on a quand même une belle peau tous les deux. Alors que les c'est deux vrai. Autres, là. Je viens de mettre de la crème, moi. Et vraiment, je fais de l'eczéma et tout. C'était peut-être pas le meilleur exemple, mais. Je fais énormément d'eczéma, mais c'est la tristesse, ça. C'est ça, c'est vrai. Alors, le jeu, rions. Mais restons un peu sur ton eczéma. Bah, écoute, je peux vous montrer. Kate Dukes, qui est, c'est une tatoueuse, mais une tatoueuse bien particulière. Je vous demande la spécificité de son art. Elle tatoue des animaux. Pas du tout. Ah ouais, pas mal. Elle tatoue. Après, si t'as pas la réponse. Et c'est nul. Ah, alors attention, on parlait jeu. Il y a Adrien, il y a un truc qui le rend fou. Non, si. Que tu vas me faire un but. Commence non. pas, Adrien. Ah oui, t'es ce gars-là. Ah, t'es ce gars-là, mauvais joueur. Faut jouer vraiment. On n'a pas le droit de blaguer. Vite. Non, t'as dit deux choses différentes. Mauvais joueur et pas respecter les règles, c'est deux choses différentes. Oh là, déjà, ça c'est vrai. Ah, malin, tu vas pas me faire plus plaisir. Ouais, quel enfer. Parce qu'il y a les gens qui trichent et il y a les gens qui veulent juste qu'on respecte les règles. C'est l'inverse en fait. Donc tu veux quoi, toi? Non, alors. Non, mais là, rien. Moi, je veux rien. C'est lui qui me fait un je sais même pas ce qu'il va dire. Pour nos amis auditeurs, Géraldine a un scalpel dans la main gauche qui est sous la jugulaire. D'Adrien. Elle m'a rasé un sourcil. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui t'intéresse le plus, c'est qu'il faut suivre les règles ou ceux qui trichent touchent un peu. Non, mais là, ici, c'est n'importe quoi, on fait n'importe quoi, ça me va. D'accord, mais dans la vie du jeu. Il faut. Les règles, mais un petit peu comme dans la société. Les règles, elles sont organisées pour que les gens puissent être. Plus comment dire, j'ai pas l'équité quoi. Oui, que ça soit quoi. que les choses se passent bien. On joue bien, tous avec les mêmes règles et donc on est tous. Sinon, c'est le début de l'injustice. Mais ce qui est, justement, c'est l'inverse de la société. C'est pour ça que moi, je trouve que si on triche en plus dans les jeux, alors là, bon bah. Notre petite bulle de plaisir, elle explose quoi. Ouais, exactement. Ce que je voulais dire. Mais là, en l'occurrence, c'était une blague. Dans un contexte très particulier. D'accord. Dans les blind tests. Ils n'aiment pas les gens qui disent ah oui c'est c'est les gens qui cherchent en disant oh là là on n'entend plus tais-toi. Ça le rend fou mais c'était pas le cas ici. Alors moi je pense qu'elle tatoue qu'une seule partie du corps. Elle s'est spécialisée sur une partie du corps. Non, elle tatoue toutes les parties du corps. Est-ce que aucun c'est problème de ce que je sais le visuel en question qui a une particularité? Ce n'est pas le visuel en question. Elle est aveugle. Elle n'est pas aveugle. C'est un enfant. C'est un animal. Ce n'est pas un animal. Non. Peut-être, pourquoi pas. Elle est un singe. Une poule, tu lui mets. Elle tatoue que du texte. Elle ne tatoue pas que du texte. Elle tatoue, tatoue que texte. L'animateur. Elle a déjà fait 6 tatouages. Est-ce que c'est une particularité particularité humaine. Alors, c'est-à-dire, pardon. Bah, son âge. Ah non, non, son... non, non, non, non, c'est le vraiment, fait qu'elle ait pas de bras, fait, par exemple. Particulier. Ce qu'elle fait est particulier. Sa méthode. Oui, d'une certaine manière, la méthode. Pas son la façon outil. De faire son, son outil. Son outil. Elle travaille. Elle... Ses ongles. Pas avec ses ongles. Elle tatoue avec une encre invisible. Alors, on s'approche. C'est une question de l'encre. Ah, c'est de l'encre sèche d'animal. Non. L'horreur. Ça s'infecte à chaque fois, malheureusement. Six morts, malheureusement, depuis le début. Alors, c'est quoi? Elle c'est fait une quoi, encre qui disparaît? Alors, ce n'est pas une c'est encre. C'est de l'encre glow in the dark. Ah oui, c'est phosphorescente. Ah, oh, ça existerait? Ouais, peut-être que c'est une maladie, ça. Terrible, je pense. Ouais, terrible. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est une encre particulière. L'encre a une spécificité. Ah, est-ce qu'elle est faite avec les cendres d'un être aimé? Oh, très bonne réponse. C'est oh pas vrai. Ah, j'ai entendu c'est en plus, vrai. Je l'ai entendu ça. Oui. Réponse d'Adrien Méniel. L'artiste a commencé à explorer cette technique il y a 3 ans et demi lorsque l'un de ses clients a voulu rendre hommage à son animal, son chien décédé. Ah. Le procédé qu'elle ne connaissait pas s'est avéré très simple. Il suffisait d'ajouter les cendres à l'encre et ça a ensuite rendu le tatouage en hommage animal encore plus spécial. Depuis, c'est devenu sa spécificité. Alors apparemment, c'est vraiment très très très simple et apparemment propre, ce que je doutais. Elle dit non, mais c'est bon au niveau de la santé, ouais, y a aucun problème. Avoir des cendres dans la peau. J'en doute aussi. Elle dit que c'est ok, mais peut-être qu'elle ment aussi. oui, j'ai mis les cendres dedans. Hein. Oui, on n'a pas de recul là-dessus. Bah non. On l'aura. Ouais, c'est ça. C'est comme la cigarette électronique. On verra. Ouais. On verra dans une vingtaine d'années. Comme le vaccin, comme je dis. Enfin, attention, bon, je vais pas. Ça y est, il dérape. Je vais poser toutes les questions. Est-ce que vous avez des tatouages autour de la table ou est-ce que c'est un truc? Moi, j'ai pas de tatouage. Pas de tatouage. Non, t'as un tatouage? J'en ai un. Ah bon? Tout petit. Est-ce qu'il c'est le bonhomme du Monopoly, malheureusement. Sur le cœur. C'est une petite croix. Une croix. Toute simple. Ma phrase est finie. Mais une croix. Il n'y a pas de suspense après. Une croix religieuse Non, une croix à l'encre rouge. Parce qu'en fait, j'avais rêvé une nuit, c'était quelques jours avant que je fasse la première fois l'Olympia. Et j'étais persuadé de mourir avant l'Olympia. J'ai vraiment eu une sorte de. Je me suis dit, c'est ça mon destin, c'est que quand je vais enfin faire l'Olympia, ce dont je rêvais toute ma vie, je vais avoir un accident juste avant et je vais mourir. Ça va être ça, voilà. Ma vie est écrite comme ça parce que ma vie a de l'humour. Et donc je dormais pas beaucoup et j'avais rêvé une nuit que je me faisais tatouer le X de Cocatrix. D'accord. Oh. Ok. Et je fais rouge. Ce rêve à l'encre rouge comme les lettres de l'Olympia. Ouais. Et le lendemain, j'avais rendez-vous quelque part dans Paris, je sais plus avec qui, mais j'étais en avance et le rendez-vous, il se trouve que j'avais 10 minutes d'avance et c'était devant un salon de tatouage. Et du coup, je suis rentré dans le salon de tatouage, j'ai dit j'ai 10 minutes, est-ce que vous pouvez me faire une petite croix? Voilà. Incroyable. Et en fait, et après c'est marrant parce qu'après je me suis rendu compte qu'il y avait plein de sens. Je suis né sous X. C'était très peu de temps avant ma première une grosse rupture, enfin très peu de temps après. Donc c'était quand même une croix sur le cœur. Plein de sens. Ouais. Sublime. Ouais, c'est très joli cette histoire. Il y avait les cendres de Bruno Cocatrix dans l'encre. Oui. Et effectivement, je suis en bonne santé. Et toi, Géraldine, c'est pour quelle raison tu te fais pas de tatouage? C'est un truc que t'intéresse pas ou t'as pas trouvé j'ai jamais pensé. Mais c'est vrai qu'il m'arrive de trouver ça très très beau. Je me souviens justement notamment à New York que je trouvais alors c'était l'été, je trouvais les gens tatoués, je trouvais la qualité des tatouages incroyable. Ouais. Mais j'ai jamais passé le pas. Et puis un truc forever, ça m'angoisse un peu. Moi, c'est ça qui me fait un peu flipper. Pas aussi. De tatouage, vous? Non. J'ai Adrien, hésité non. un jour non, sur non. le mollet. Le mollet, je trouvais ça cool parce que, pareil, c'est que l'été que ça se voit. Enfin, tu vois, j'aime bien le côté, c'est vraiment pour toi. Mm-hmm. Mais j'ai pas eu l'idée. Je pense qu'il faut se faire tatouer vieux. C'est quand le corps commence à. Mm. Tu vois. C'est plus dur pour le tatoueur. Parce qu'il faut aller entre les plis, les trucs. Mais c'est une façon de rattraper le fait que le corps t'échappe, quoi. Reprendre le contrôle sur ton corps. Ouais. Mais vieux, quand tu dis vieux, quel âge? Je pense que c'est pas mal de se faire tatouer vers 60 ans. Ah, d'accord, ok. Oui. Bon, je vais attendre un peu. Ça m'arrange. Tu veux refaire un tatouage, toi? Non, pas spécialement, mais peut-être, mais je le referai, je pense, ouais. Ouais, faut se méfier parce que moi je vois. Que ça, parce que cette histoire-là est tellement puissante oui, sur la ça, croix oui, que oui. après, ouais. tu fais un. Faut pas que ça soit impressionné. Et ça, en fait, j'aime bien ce film. Donc j'ai tatoué Louis de Funès. C'est décevant. Mais quand t'es vieux, tu peux te faire tatouer genre des numéros de téléphone, comment marche ta télécommande et tout, des trucs que t'attends sommeillés. Une nouvelle tendance esthétique. Alors, Adrien, toi, tu connais la réponse, mais vu qu'elle a été effacée dans le dernier épisode, je la rebalance ici. Ah, d'accord. Une nouvelle tendance esthétique venue des USA et qui concerne les hommes inquiète le monde médical. Le tatouage de cuir chevelu? Alors non, on est parti du tatouage. D'accord. On peut j'ai pas trop aimé que tu partes sur le cuir chevelu en regardant. J'ai pas fait le tatouage. Non, j'ai pas. C'est pas moi le tatouage. C'est pas moi. Là. J'ai fait autre chose, mais. alors une tendance qui inquiète. C'est-à-dire, c'est un truc avec des prothèses, peut-être? Pas des prothèses. Sous la peau. Quelque chose qui s'insère dans le corps? Non, rien ne s'insère. C'est de la dans chirurgie. Le corps. c'est une forme de chirurgie esthétique. Esthétique si on veut, mais c'est ça qui fait que ça pose des questions. C'est une forme de pénoplastie. Ok. Là, c'est le pénis quoi. Ah oui, d'accord. Du pénis. Non, c'est pas ça. C'est vraiment sur le visage. Sur le visage, la pomme d'Adam. Le pénis. Pas la pomme. Oui, ça peut parfois. Ça peut. Ça peut. Non, mais c'est vrai. C'est pas le cas ici. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Les poils. C'est de la. Pas les poils. C'est pas les poils. C'est pas la pomme d'Adam. Non. C'est pas le pénis. C'est quand même. Non. Il y a quoi qui appartient plus aux hommes. Ah ouais, okay. Typiquement masculin. Bah, oui, parce l'économie mondiale, Jérémy. On voulait le dire ici. Le patriarcat. Non, non, c'est vraiment le faciès. C'est un truc qu'ils font sur leur faciès. C'est une tendance. Que les hommes. Oui. Les dents. Oui, parce que dans leur idée farfelue, selon moi, c'est dans le but d'être plus viril. Donc c'est pas les dents, okay. C'est vraiment. Je vous demande l'opération qu'ils est-ce font que c'est sur par là. Vous savez quand oui. Les maxillaires là. On en est là. On est sur ici. On est sur ici. Mâchoires. Mais quelle est la carré comme ça. Un carré. C'est mais ça. Pas du métal. Rajouter de la mâchoire. Non. Alors ils n'insèrent rien. Ils n'insèrent rien. Ils font un. Ils picouzent le muscle. Alors ils font du muscle pas. Yoga des. C'est une tendance qui est sur TikTok d'ailleurs qu'on voit beaucoup passer. Sur TikTok. Et on peut le faire chez nous genre. Ah bah tu peux, mais je te le conseille pas. Je te le conseille pas. Ah bon, je croyais qu'il fallait faire tout ce qu'il y avait sur TikTok dans la vraie vie. Il y a deux exceptions, celle-ci en fait partie. Voilà. Attends, alors c'est quoi si c'est pas des piqûres, si c'est pas des massages, c'est on met des. Tu as une idée d'aider, comment aider Adrien? Comment aider Adrien? C'est quelque chose de vraiment plus stupide que faire des piqûres quoi. Un truc plus vraiment stupide. Très con. Très qu'il faut vraiment pas faire et en même temps c'est fou de mais le dire. Mais qu'on peut faire à la maison quoi. C'est si oui. Bah hein. Mais ils mettent pas des coups de marteau dans les maxillaires c'est quand même. Exactement. C'est, écoute-moi bien. C'est la bonne réponse impossible. De A jusqu'à Z, Géraldine. Impossible. C'est se mettre des coups de marteau sur les maxillaires. Non, mais pour être plus viril. Oui, alors pour être pourquoi viril, ça fait quoi ça fait un oui. Œdème. Non, non, bah vas-y, je sais plus. Je vais expliquer. Moi, ça me paraît fou aussi. Mais ouais. Ça se passe. Alors, j'ai vu personne faire ça sur TikTok. Aussi. Le bone smasher, le bone smashing, pardon. Faux. Consiste en effet à se marteler avec un toutes sortes d'accessoires insolites, marteau, cailloux, appareil de massage facial, afin de faire ressortir. Non, de cailloux, non, bon, allez, c'est bon. De roche comme ça. Faire ça avec un caillou. C'est même pas une pierre, quoi. C'est un caillou, ouais. C'est un petit truc. Oui, après, j'ai traduit à ma sauce. Voilà. Galet. Afin de faire ressortir certains traits du visage. Beaucoup d'utilisateurs, démonstration à l'appui, vantent les mérites de cette technique pour obtenir une ligne mandibulaire plus carrée et proéminente, un menton affiné et des pommettes ciselées, soit trois critères de beauté masculine prépondérants dans la société qui incarnent un certain archétype de la virilité. Quel connard. Tous. C'est vrai, je regrette d'être un homme. Ouais, chaque jour que Dieu fait, je regrette. Ouais. Parce que de plus, c'est ce que disent les médecins. Ils disent, bon alors, oui, effectivement, peut-être ça densifie un peu les os et tout, mais il y a de la peau. Il y a des muscles et tout ça est extrêmement abîmé dans l'opération. Donc voilà, c'est étonnant, extrêmement dangereux. Ouais. On abîme des choses en se mettant des coups de marteau dans le corps. Ah bah je suis pas médecin, mais bon. T'imagines le médecin qui est appelé, qu'on dit bon, on a besoin de vous pour un avis ouais. D'expert. Parce que là, on s'est fracassé la gueule contre une poutre et on se demandait si c'était plutôt positif. Plutôt un bon choix de vie. Pour la santé, on parle. Plutôt négatif, plutôt non. Ah d'accord. On peut vous citer. Bah, tu vois, j'ai bien fait d'appeler. Je comptais me faire rouler sur le pénis par une voiture. C'est non aussi du coup. C'est non, hein. D'accord. Bah, on peut rien faire dans ce pays apparemment. Alors c'est un peu une mode, voilà, ça arrive. On a eu aussi vécu des modes un peu ridicules. Est-ce que vous avez suivi des modes un peu ridicules adolescents ou pas adolescents d'ailleurs, mais bien souvent sûr. C'est adolescent. Mais même tard, moi par exemple le legging, je pense que c'est une erreur complète. Ah ouais. Ah le legging. Encore récemment. Bah oui, parce que le legging faut quand même être quelqu'un qui est déjà legging dans la tête, dans l'esprit, tu vois. Faut soit faire du sport et t'achètes, soit être méga bonasse. Hein, ouais. Non, faut juste s'assumer quoi. Bah du coup c'est QFD hein. Bah non, eh bah, il a mis le doigt dessus hein. Ça marche pas partout. Tu peux t'assumer sans être dans les standards de beauté quoi. C'est pas ça. C'est vrai, mais c'est un long chemin. Ouais. Adrien, ah oui, non, mais ça, je dis pas le contraire. Je trouve que c'est difficile ce truc qui se coupe comme ça à la cheville et toujours un peu trop bas ou trop haut. Enfin, c'est difficile dans les proportions. Mmh. C'est difficile. Voilà. Donc, je trouve que les leggings, c'est quand même un statement qui est devenu compliqué. Il n'y a pas pour tous. Et ado, t'avais des trucs comme ça, t'avais des modes. Ado, j'ai tout fait. J'ai acheté tout ce que je pouvais acheter avec mon argent de poche qui était sur les autres. D'accord. Parce que je le voulais, mais j'ai pas compris que les autres n'étaient pas moi. Ouais. Alors que Sartre, il l'avait dit. Waouh. C'est une émission pas comme les autres. Hein. Ah, et voilà. Va vite falloir reciter la gaffe à un moment. Ouais, j'ai mis de la paillette rose pâle en pensant que j'avais le physique de Diane Kruger. Que j'étais, tu vois, j'ai fait des vraies conneries. Attends, la paillette rose pâle en maquillage, en make-up quoi. En maquillage, en robe. Je me suis dit, ah oui, qu'est-ce que ça va être ravissant. Cut. Lundi matin, 9h30. Oh, magnifique. Ça va être interdit, la paillette. Ça y est, ouais, je crois que c'est fait d'ailleurs. Ah, c'est en bah, cours. Très bien. Ouais, très bien. C'est super. C'est en cours, c'est en cours. Mais ouais. Tout, hein, paillette, l'objet paillette, c'est fini quoi. C'est vrai. Ouais, ouais. C'est triste quand même un peu. Ça veut dire que non, c'est pour, faire... les, pour l'écologie. Ouais. Mais ils vont bah, faire c'est bien. Non, mais ils vont faire des paillettes bah oui, biodégradables, compostables, je sais pas quoi. Mais... Ouais. La vie trouve toujours un chemin. C'est ça qu'on voulait dire dans ce podcast. Ah, exactement. Bon. Vincent, toi, t'as suivi c'est des mots. Oui, non, mais. T'énerves pas déjà. T'énerves pas déjà. Ah ouais, mais vous commencez à me courir. Un emportement très daté, très vintage. Non, ça commence à me courir là, les enfants là. Il y a que André Dussolier qui s'énerve encore comme ça aujourd'hui. Non mais l'oversize, je comprends pas ça. Mais t'as essayé. Bah oui, j'ai fait comme tout le monde. Je suis allé. Je vais pas comme ça. Tu veux non, ça c'est bien, ça c'est beau. Bah, c'est le baggy, hein, le baggy, tu parles du baggy. Non, le baggy ça revient. Non, mais moi je parle de d'hier ou d'avant-hier, voire même de ce matin là. D'accord. Des trucs où en fait tu dis mais pourquoi. Enfin oui. Ça n'a aucune forme. On te dit bah c'est mode, c'est fashion. C'est oversize. Voilà, regarde Isabella Gianni au Energy Music Awards, elle portait ça très bien. Je dis bah oui mais bon, elle a pas toujours raison non plus. Attention, grosse auditrice du Floodcast. Ah ouais, Isabella Gianni, une de nos plus grandes fans. On t'embrasse. Isabella. Non mais ça c'est bizarre ça. Des fois je me demande si c'est pas un peu une comment dire une si on va pas se réveiller. Bon, c'est le principe de la mode en fait. Un jour, on ce qui est très très à la mode, oui. On se réveille des semaines après et on dit bah c'était n'importe quoi ça. Ouais, qu'est-ce qu'on a fait alors? Vous avez fait c'est sûr, vous avez fait des dingueries aussi. Hein. Ado, oui. Mais c'est un peu, c'est exactement comme toi, moi. C'est-à-dire que c'était sur les autres. Et en plus, moi, je n'avais pas l'œil. C'est-à-dire que je croyais, j'ai déjà raconté dans un podcast, mais c'est les baggies par exemple, c'était très à la mode quand j'avais ado. On a le même. T'as quel âge? Moi, j'ai 32. Oui, c'est ça. Enfin, non. C'est ça. Non, mais quasi. Oui, quasi. C'est ça. Ouais, bref, ouais. Donc, quasi. Ouais, ouais, quasi. On a la même chose. Et moi, du coup, j'achetais pas des baggies, j'achète des jeans triple XL que je serrais à la ceinture. Sûr, j'avais pas capté problème. Que c'était un type de vêtement, mais ça, le baggy. Ça, c'est touchant de dingue. Maintenant, très à 12 joli. Ans, 13 ans, non, c'est mais si, motif de harcèlement, malheureusement. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on devient nos parents, parce que moi je me souviens très bien des darons qui disaient ah, on dirait que tu t'es chié dans le ben. Et maintenant, moi je le pense. Mais maintenant, eux ils se chient dans le ben, donc il y a quand même une. Voilà. Ah, c'est une nouvelle trend TikTok, on chie dans son froc à donf. La vie trouve toujours un chemin. On y revient. Mais vous êtes nostalgique de cette époque-là, de l'adolescence? Toi, je sais pas. Ah, moi je suis maladivement nostalgique. Moi, j'ai un flipper chez toi, par exemple. Ça, c'est quand même un truc. Oui. Là, c'est l'adolescence des loupards, ça. Ouais, parce qu'en plus, moi, je suis nostalgique d'une adolescence qui n'a jamais été la mienne. Ouais, c'est ça. T'as jamais joué au flipper? Non, jamais. Moi, je voulais l'adolescence de Renaud dans, c'est ce que dans Hexagone, quoi. Qui n'était vraiment pas la mienne à Macon. Mais non, moi je suis maladivement nostalgique. Ah ouais. C'est-à-dire que même si c'était le cauchemar, c'était avant, donc c'était mieux. Ah c'est ouais. Ça la maladie, c'est ça, la nostalgie, c'est ça. C'est pile l'inverse. Hein. Je préfère toujours demain. Mais ça c'est merveilleux. Mais ça, ah c'est bon vraiment... c'est, je sais pas si c'est merveilleux. C'est quand même une pathologie aussi. Quoi. Oui, mais ça veut dire peut-être que t'es moins paralysé par. Par le passé quand même, tu non ouais, peut-être. Ça donne peut-être plus d'allant. Oui, mais c'est aussi une forme de déni quoi. Oui, c'est vrai. Et si vous étiez dans l'instant présent plutôt? Oh, oh, c'est joli, oh, Adrien. Qu'est-ce qu'on en apprend aujourd'hui? Carpe diem, n'est-ce pas? Voilà, bah, c'est bon, mon tatouage. Ah, ouais, bien sûr. Non, moi c'est c'est l'inverse. J'ai peur de l'être, Donc je me rappelle et puis je balaye et puis je me dis alors, il se passera quoi demain? Mais c'est marrant, comment ça t'as peur de l'être? J'ai pas envie de me souvenir que du coup ça me peine et que je me dis c'était mieux avant. J'ai pas envie de me dire ah ben il manque ça par rapport à telle période. Ah, où je veux pas faire les comptes. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. L'été dernier, un scandale britannique a éclaté. Jean Barry a récolté des centaines de milliers d'euros pour sa fille via un stratagème assez critiquable. À votre avis, lequel? Il a fait semblant qu'elle était malade. Tu peux te développer. Il a lancé une cagnotte en disant ma fille est atteinte de je sais pas quoi. Ouais. Il a dit qu'elle était malade, mais il a pas dit de quoi et en fait elle avait un rhume. C'est pas un mensonge. Ça serait exceptionnel. Jane Barry, c'est une fille ou un, c'est une daronne, ouais. Jane. Barry. Non, c'est Jean, il y a écrit Jean. Et du coup, c'est ça, c'est un truc autour de la maladie. Non, mais c'est vous avez la bonne réponse. Ah, c'est littéralement aussi l'histoire de votre fille, parce qu'elle lui a inventé un faux cancer. Alors, elle, c'est beaucoup plus. C'est littéralement l'histoire. C'est beaucoup plus glauque, parce que vous, c'est quand même une comédie. Ouais. Jean Barry, en fait, elle a la mère de la jeune Meghan, qui, du haut de ses 15 ans, s'est battue contre une tumeur au cerveau. C'est-à-dire qu'elle a eu un cancer. Mm-hmm. Et elle a lancé une association qui s'appelle Believe in Magic, qui emmène les enfants victimes de cancer pour aller à Disneyland, ok, ouais. Donc c'est un triomphe, elle récolte des centaines de milliers d'euros, ça cartonne. Les enfants malades peuvent aller, même sont allés à Buckingham Palace, voilà, ils ont fait beaucoup le de choses. Le rêve de tout enfant, même en bonne santé. mais on va Buckingham, mais je suis pas malade. Mais un jour, on annonce à la maman que Jean va mieux, que sa fille, pardon, va mieux, d'accord. Mais Jean, elle dit ok, et quelques mois plus tard, rechute de sa fille. Meghan, apparemment, son cancer s'est aggravé, et elle a besoin d'une thérapie à plus de 100 000 euros. Les dons affluent, en deux jours, la somme est atteinte, mais la tumeur s'est étendue, déplore Jean. Voilà. Et bah, tout ça, c'est faux. Sa fille était guérie du cancer. Ah, donc c'est la rechute qui est fausse. La rechute est fausse. Elle était malade à la base. À la base, oui. Elle a reçu des centaines de milliers d'euros, a aidé d'autres enfants cancéreux, mais en réalité, Jean et Meghan vivent dans l'hôtel 5 étoiles de Disney World aux États-Unis. Quoi? Wow. Non, pardon. Ah, pour toi, c'est génial ça. Et Meghan, c'est loin de même, ça, là, j'avoue, c'est trop. Là, c'est ah ouais, d'accord. Parce que t'aimais bien au début. Ah non, mais au début, je trouvais ça top. Charmant bien, comme ouais. Toi. Bien joué. Une jolie petite Légion d'honneur. Amélie Poulain pour moi. Mais là, non. J'allais la contacter sur Instagram en disant, ouais, vraiment. Bah oui, pourquoi pas, ouais. Finalement. Oui, je comprends. Non, mais là, vivre tout le temps. Ah dans oui, le... tel un loyer que tu paierais dans un appartement, elle l'a payé à l'hôtel 5 étoiles de Disney World. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, tu vois bien que c'est des intermittents. Enfin, je veux dire, la magie n'opère pas. Oui, c'est sûr. Ouais. Ah c'est oui, sûr. Éternellement. Ah bah, je t'invite à regarder. J'avais regardé un documentaire sur les gens qui font les croisières Disney. Si, les Disney adultes, qu'on dit. Ah, ouais, je savais même pas que ça existait. Il y a des trucs où vraiment tu sens qu'ils vivent dans un. Non. Je sais pas. Ils sont là-dedans. Ils sont dans un truc de. Ah, la magie a l'air de croire en fonctionner. C'est le moment où je peux raconter mon anecdote. La seule anecdote que je sais raconter et que t'aimes bien. Ah bah, vas-y. C'est mon Balasco à moi. Ah. Mon Balasco à moi. C'était au parc Astérix. Ah merci. C'était au parc Astérix et on va au parc Astérix avec des copains et évidemment à un moment donné moi je veux absolument faire des photos avec bonne mine avec quand même. Et donc au prix où on paye. Ils étaient tous là et donc ils sont tous en mousse les personnages. Tous en mousse, c'est tous une grosse bonne mine en mousse, un gros Obélix en mousse, oui. Avec quelqu'un dedans. Sauf Falbala. Falbala, comme c'est la bombasse du village, oui, c'est une vraie bombasse. Elle a oui. Pas de costume, enfin, elle est juste maquillée, sapée, toute blonde et tout ça, mais elle est pas dans de la mousse. Donc elle intéresse vachement moins les enfants. Les enfants, ils sont là, ils voient une dame, bombe, ils s'en foutent, ils ont pas encore de libido. Donc ils se dirigent vers Bonne Mine. Et donc elle était là un peu égarée, cette pauvre Falbala. Et je la voyais qu'elle essayait de s'approcher, tout le monde de demander des autographes et des trucs à Obélix, et elle essayait un petit peu d'attirer l'attention des enfants. Et j'assiste à cette scène merveilleuse où Falbala s'approche d'un petit enfant et lui fait « Tu veux une photo ?» Et l'enfant la regarde et répond « Ça ferme à quelle heure ?» Et avec un seum de l'espace, elle a répondu « 19h30 » Elle lui a acheté sa perruque à la gueule. Ça c'est sublime. Ça c'est sublime. Mais ouais. Ça, c'est des vrais trucs. Moi, j'ai bossé à Disneyland. C'est pas vrai. Et quand j'étais jeune, à 18, 19 ans, et j'ai vu une nana s'effondrer par terre en larmes parce qu'on lui avait dit qu'elle ferait Minnie, je crois, et elle voulait faire une princesse. Parce que, pareil, à Disney, t'as un peu une. Ah, oui, voilà. Oui, les gens qu'on voit, t'as les princesses, ouais. On voit leur visage, elles peuvent même parler aux enfants. Parce que, Voilà, oui, elles ont une voix. Elles ont une voix. Mais quand t'es un personnage, t'es dans le costume, quoi. Et là, tu dois juste faire signe. Et donc là, on lui avait dit non, désolé, t'es trop petite pour être une princesse, tu feras Minnie. Et je l'ai vu fondre en larmes. Ce qu'elle aurait dû faire, c'est une thérapie, je pense. Mais bon, au final, à mon avis, tu te fais plus agresser sexuellement quand t'es pas Minnie. Bien sûr. Mais t'as fait des personnages, toi ? Non, moi, j'ai pas fait des personnages. Moi, j'étais au fast-pass du train de la mine. Voilà, j'avais un peu droit d'entrée et de sortie des gens. J'avais ce pouvoir. J'avais ma petite, parce que c'est le pire costume du. Si t'es à Pierre des Caraïbes, t'es déguisé en pirate, tu fais c'est un peu stylé. Train de la mine, t'as vraiment un petit gilet ça pourri. Ça les joues. Ouais, vraiment. T'es déguisé en T'es Renault dans Germinal. Allez, monte. Je te fais passer par derrière, allez, monte. T'as pas du Sky. T'as pas un clope. Mais oui, mais ils se font tous agresser, hein, des personnages Disney. C'est vrai, tous. Ouais, beaucoup. Enfin, il y avait un gars qui faisait Pinocchio, il s'était fait cramer par des gamins, quoi. En qui même temps, il les bois. Il voulait vérifier, il s'est fait cramer au briquet. Vraiment, c'est pour ça que maintenant à Disney ils sont accompagnés de gens. Ils sont plus tout seuls. Avant les persos ils étaient tout seuls. Maintenant il y a des gens donc ils sont hop là, mollo. Parce que c'est bien des punching balls humains. Bah, c'est affreux. C'est le métier où j'ai vu le plus dans la même pièce des gens qui font vraiment ça en s'en battant les couilles, qui font vraiment juste ça pour payer leurs études ou leur loyer et fumer des clopes, ou des gens qui c'était leur rêve depuis leur naissance. Ah oui, il y a pas de juste, il y a pas de juste milieu, et tout ça se mélange. Ça communique pas bien entre eux. Et c'est très marrant à voir. Pardon, mais t'es qui du coup? C'était pardon. Dans la vie, t'es dans quel clan? Non, moi j'étais dans plutôt ceux qui s'en foutent un peu. Je pense. Ouais, moi j'étais à, parce que je vivais à Marne, enfin j'ai fait mes études à Marne-la-Vallée, donc voilà, je me suis dit je vais bosser oui, à Disney. Ah oui, pratique genre. Voilà, oui. J'ai fait 2 mois, je me suis cassé parce que c'était pas mon truc. C'est très dur hein, comme métier, c'est enfin c'est pas aussi dur que Falbala, mais c'est quand même très c'est quand même très dur. Donc oui, le film Je ne suis pas un héros, ça parle de mensonges, ça parle de gens qui font semblant. Est-ce que vous êtes du genre menteur dans la vie? Bah aujourd'hui adulte ça existe plus trop, non? On a plus de raison de mentir. Moi j'ai beaucoup menti jeune, ouais. Ouais. Mais quel genre de mensonge pourrait être accepté, genre? Ouais, j'en ai fait un film hein, quand même. Tout ce qui brille, c'était vraiment le film sur mon plus gros mensonge, quoi. Ouais. Je suis pas d'ici, je vous fais croire que je suis de là, j'ai les bonnes chaussures, les bonnes paillettes. Ouais. Et non, c'est pas moi la voix de. C'est pas moi. T'as envie, mais c'est pas moi. Non, du coup, oui, le mensonge, c'était mon truc. Je m'étais inventé une adresse, comme dans le film, à Neuilly, du bon côté du pont, quoi. Incroyable. Ouais, j'ai fait tout ça. Donc, ça, c'est huge quand même comme mensonge. Bah, et après, du coup, une fois que j'ai passé ça, je me suis dit, c'est quand même plus sympa la vérité, c'est moins dangereux. Ouais. C'est moins fatigant aussi, ça repose l'esprit, quoi. Oui, c'est ça. Mais même des petits mensonges, des fois, pour t'empêcher de faire des trucs, ça c'est terminé. Pour m'empêcher de faire des trucs, c'est-à-dire, par exemple. Non, mais genre, je sais pas. Tu dis, je suis malade, je peux pas venir, malheureusement. Ouais, voilà. Genre, tu t'assumes. Genre, tu peux dire, la flemme. Tu peux dire en pratique. Ouais, je peux vraiment dire ça. Ah ouais? Mais tu sais pourquoi aussi? Parce que j'ai peut-être un petit peu peur de l'œil. Donc, je peux pas dire le mensonge. Je peux pas dire, je suis malade. Elle me dit. Ah oui. Non, maintenant, vérité. Ah ouais, vraiment. Alors, pour le coup, je peux dire complètement, écoute, vraiment, flemme. Et c'est imparable. Non, mais parce que c'est imparable. Il y a pas de négo et il y a pas de. Pas de te convaincre. Oui, et puis surtout, il y a pas de. Bah, tu sais quoi, ça tombe bien parce qu'on l'a déplacé au 17. Ah, ouais, bah oui, ça c'est la spéciale. C'est marrant, on a eu cette discussion. Je sais pas si on peut en parler. Parce Si, si. Bon, moi j'ai voulu mentir. Moi j'ai clairement voulu mentir. Non, parce qu'en gros, des fois, il y a des gens qui nous demandent à participer à l'émission. Ouais. Et, mais c'est pas. Ça me viendrait pas l'idée. N'oubliez pas les paroles, je comprends. Je suis d'accord. Et donc là, vous êtes coincé. Non, et c'est juste que parfois, c'est des gens, on se dit, ça va pas forcément matcher et tout, donc on refuse. Et généralement, c'est Florent qui répond, mais une fois, c'était moi, et donc je lui ai envoyé la réponse que j'ai faite, et il m'a dit, ah, mais toi, tu dis la vérité. Ah ouais, t'as dit quoi? T'as dit ça? Pourquoi t'as dit flemme? Non, il a pas dit flemme. Non, j'ai pas dit flemme, j'ai juste dit qu'on connaissait ni la personne vraiment humainement, ni. Ce qu'elle fait artistiquement, et du coup on n'était pas, comme c'était vachement basé sur l'affect et ça la vaut discussion, le coup du coup l'honnêteté là. J'ai été poli, mais des petits mensonges, c'est pas dramatique, on pense. Non, c'est pas dramatique, mais il s'agit de les faire ou pas. Moi je sais que ça m'encombre, j'ai l'impression que je me mets dedans, j'ai peur que ça se retourne contre moi à chaque fois. Moi ça dépend si j'ai besoin de mon téléphone dans la journée, parce que il peut m'arriver de dire la vérité. Genre là, l'autre jour, j'ai reçu un scénario et j'étais vraiment très embêté parce que j'avais très envie de dire oui, mais en fait, c'était pas. Donc là, j'ai dit la vérité. Et le problème, c'est que comme j'ai trop peur qu'on m'appelle, je me mets en mode avion pendant 24 heures. C'est vrai? Si on peut pas me joindre pendant 24 heures, c'est que j'ai dit la vérité à quelqu'un. Et... C'est vrai? Attends, c'est vrai? Ah oui. Je comprends totalement. Et donc, si j'ai besoin de mon téléphone dans la journée. Là, je vais mentir. Là, je vais dire. Non. Je comprends. Alors que moi, je comprends totalement. Justement, si tu dis la vérité, au moins t'es débarrassé, non? Oui, mais après, il y a des relous. Et alors, surtout dans ce milieu qu'est le cinoche, et là, je vais en parler aujourd'hui. C'est génial, ça. Mais il y a des gens qui, des fois, demandent beaucoup. Moi, je sais que, par exemple, il y a des gens qui ont refusé des choses que j'ai faites. Ça me viendrait jamais à l'esprit d'appeler en disant ah ouais, qu'est-ce que t'as pas aimé? Qu'est-ce que tu vois? Non, jamais. Mais il y a des gens, oui. Et ça, c'est angoissant, moi, je trouve quand même. Ouais, d'accord. C'est vrai. Une star d'OnlyFans. C'est associé, vous voyez ce que c'est OnlyFans? Ah oui, ça je sais. C'est moi aussi j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je ne dis rien. Je sais pas du tout. C'est associé à une marque pour offrir un produit plutôt surprenant. À votre avis, quel est ce produit? Déo de pied, un truc comme ça, non? Ah ouais, ça donne un truc dégueulasse. De pied. Alors, ou l'eau du bain. Alors, c'est pas Gwyneth Paltrow ou c'est pas quoi? Gwyneth... Alors non, Gwyneth Paltrow, c'est les bougies à senteur de son vagin. Ah oui, c'est voilà. Ça. Voilà. Ah, oui. Mais l'eau du bain, on s'approche. Alors, c'est la même personne qui avait proposé ce truc-là. Et attends, c'est pas la même personne qui vendait ses pets? Si. Est-ce qu'elle vend des pieds? Laisse-moi expliquer à Géraldine quand même. Non, pardon. Et beaucoup. Elle pétait dans un bocal qu'elle refermait et elle vendait ça aux plus offrants. C'est une femme qui faisait ça? Non, c'est pas moi la voix. C'est pas moi qui pète dans des bocals. J'ai même pas de bocal, me dites pas ça. Bravo pour Grâce à Dieu de François Ozon. Et aussi pour avoir pété dans... C'est pas moi, j'ai pas pété dans les bocaux. Mais voilà, c'est la même personne. Elle s'appelle Amourante. C'est son pseudo. Elle est actrice porno? Non, pas du tout. Elle est streameuse. Elle fait du Twitch. Enfin, je dis ça au hasard, je connais pas du tout. Mais... elle est aussi sur OnlyFans. 24,99€. Elle avait déjà vendu un truc, c'est ça? Bah, c'est ça, elle avait vendu l'eau du bain, elle avait vendu les bocaux de paix. Mais c'est elle aussi? Ou alors, elle a pas genre suivi quelqu'un qui l'avait fait avant elle? De quoi donc? Bah, les paix, parce que pour moi, quand on l'avait. Non, mais attendez, c'est de la contrefaçon, moi je me suis fait avoir! C'est seulement au bout du cinquième bocal de paix que j'en ai eu un vrai. Non, mais. Parce que le certificat d'authenticité, c'est qui le fait? On n'en sait rien. Quand on en avait parlé il y a longtemps, il me semblait que c'était pas elle dont on parlait. Elle a suivi la mode. En l'occurrence, elle a aussi fait des copycats, quoi. Non, mais t'as eu raison de mettre les choses au clair. Je crois que c'est important. À César. C'est un sujet sensible. Voilà. Mais donc, elle a fait quoi? Elle a quand même pas vendu ses serviettes hygiéniques ou quoi? Non, on n'est pas là-dessus. Est-ce que c'est un truc pour. Un truc, tu le manges et tes paix sentent bon? Qu'est-ce que tu racontes avec les paix? Arrête avec les paix. C'est d'avoir été avec les paix. Est-ce que c'est un peu dégueulasse? Trois fois encore. Comment? C'est un peu dégueulasse. C'est franchement dégueulasse. C'est quel type de paix? C'est les rognures d'ongles. Ah non, pas les rognures d'ongles. C'est un truc qui provient du corps. Passe un très mauvais moment. Ah ouais, je suis pas bien là. Les jeux plus les ongles. En plus, c'est un jeu. Ah, c'est beaucoup là. Attends, les deux trucs que est-ce qu'elle a vendu une version? Je me sentais un petit peu. Tiens, attention. Custom du Monopoly. Non. Il s'agit de. C'est quelque chose qui provient du corps, de son corps. Ah, c'est poils. Elle s'appelle. C'est pas les poils. Non, pas les poils. Pas les poils. Pas les yeux. Pas les yeux. Pas ses larmes. Des tests. Covid. Non, pas des tests. Pas les cotons-tiges. Non, pas les cotons-tiges. C'est un truc. Est-ce que c'est liquide? C'est liquide. Ah, la salive. Les larmes. Pas la salive, pas les larmes. Crachat. Pas de crachat. Bah non, tu viens de le dire. Du dentifrice usagé. Pas du dentifrice. La sueur. Non, mais là, on lui donne plein d'idées. C'est top. Là, on lui. Ouais, ouais. Il fait sa fortune. Pas du sébum, c'est pour que ce soit. Là, il faut y aller là. Faut avoir des petits problèmes. La transpiration. C'est pas son pipi tout de même. C'est pas un truc d'urine. Alors. Quoi alors? On y est pas. Quoi? Du pu? On s'approche avec l'urine. Cyprine? Pas cyprine, on s'approche. Pas, non. On s'approche. On s'approche avec l'urine. Il y a quoi plus proche que l'urine? L'urine. Bah, on est dans cette zone là. On est dans la zone A. Dans la zone A. Ah, bah, la mouille. C'est la mouille. Non, cyprine. Ah oui, c'est ça. C'était le terme. C'est le terme technique. Ils sont des très scientifiques. En Saône-et-Loire, on dit mouille. Et on n'est pas plus malheureux. Non. Ah, excusez-nous. Parce que la vie trouve toujours un chemin. Attendez. Non, mais parce que t'as dit que c'était liquide. J'ai très peur de. Non, mais vous y êtes. Quoi, ça diarrhée? Non. Bon, bah voilà, ouais, j'ai pas. Non, mais. Bah, y a rien d'autre de liquide à proximité. C'est ça que je voulais pas dire, mais. Alors, voilà. Non, mais je pense que c'est un peu de la cyprine d'une certaine manière. Non, on est dans la zone de l'entrejambe. On est dans la zone de l'entrejambe. On est dans la zone de l'appareil génital. Ah, mais moi, je m'y connais pas assez. Moi, je passe. Non plus, si c'est pas. Tu peux appeler un ami. À tout moment. Un ami hétéro, mais j'en ai plus beaucoup. J'en ai de moins en moins. Ah, de moins en moins. Non, c'est. Je vais vous dire la vérité. Non, mais non. Je vais vous dire la vérité. Je suis Pascal Praud ou quoi? Je suis Nicolas Sarkozy. Écoutez, laissez-moi vous dire une bonne chose. Dites la vérité au français. Je vais vous dire la vérité. C'est jamais sa voix. Mais c'est une vibe. C'est comme les caricatures. Oui, ça, c'est. C'est une vibe. Non, en fait, elle est allée chez son. Mais attends, tu vas dire la réponse là? C'est genre les résidus de frottis. Voilà. Ah, c'est dégueulasse. Mais mélanger à de la bière, sympa. Ah, de la bière. De la bière. Pourquoi? Elle fait n'importe quoi. Là, elle a une roulette chez elle. Elle fait, alors, ouais, c'est ça. Frotti, une deuxième roue. Non, attends, bière. Ça veut dire allez, quoi mélanger bon. À de la bière? Pardonne-moi, je comprends quoi. Pas. Je vais tout vous raconter. Ça vous donne des petites idées de business. Quand même. elle prend le... En fait, elle s'est associée à une société de bière polonaise, dont on avait parlé d'ailleurs, Adrien, The Order of Yoni, je sais pas si tu te souviens, qui faisait de la bière aux extraits de vagin. Bon, allez. C'est exactement ça. Hein. Oui. J'adore les bons allez, Géraldine, ouais, bon allez. Hein. Sur allez, les scénarios. Allez là. Allez, ouais, ça y est. Je vais quand même vous apprendre comment la bière est brassée. Le Monopoly, ça devient peut-être plus acceptable là, quand on voit l'étendue, le spectre de l'être humain, de ses loisirs. Donc en gros, ce qui se passe, donc elle va chez le. Comment est brassée la bière? Son gynécologue prélève un frottis vaginal. Ces frottis sont transportés dans un laboratoire où les bactéries sont isolées, nettoyées, analysées et multipliées. balayé, etc. Ouais. Kazakh toujours pimpant. Toujours pimpant. Ouais. À la fin du processus. Je me suis dit, ah bon, ils vont là ? C'est la Zouk Machine, vraiment ? Oh oui, ah, oui. Attention. Ah, mais c'est. Il n'y a pas que Lamartine ici, c'est aussi Zouk Machine. Il n'y a pas trop Lamartine d'ailleurs. C'est absent de Lamartine depuis le début. La marque promet une expérience sensuelle sous la forme d'une bière enfermée dans une bouteille qui obtient des notes de goût inhabituel grâce à l'utilisation de levure de champagne, inhabituel, de malt de blé, pas bon signe, d'additifs exclusifs sous la forme d'écorce d'orange, de coriandre et d'aframomum, ainsi que donc des extraits de vagin. Voilà. Et ça se vend. Comment ? Et ça se vend. Écoute, ça se vend. Ça se vend, ça se vend. Pour c'est la somme de quand pas même. Être un tout petit peu nostalgique. Hein, quand là, c'est sûr que je te suis là-dessus. Hein. Du cacolac, c'était un peu plus sympa. Il y avait un peu moins de. Ah ouais. Parce que là, en plus, ça coûte. Parce que je crois même... que Suzanne Flon, elle a jamais fait ce genre de choses. Alors, un policier australien a été condamné pour avoir pointé son arme sur un collègue. Quel a été son alibi pour justifier un tel geste ? Évidemment, un alibi un peu farfelu. Ah, farfelu. Ouais. Bah, parce attends, que malheureusement, ah, ouais. Je sais. Tout de même. Non, enfin, je sais. Non, j'ai une idée. Il voulait lui faire passer le hockey. Hyper bonne idée. Sublime. Alors, c'est moins bien, malheureusement, mais ce n'est pas la bonne réponse. Alors, attends. Il lui a fait les oreilles de lapin sur une photo ? Non. C'est une vengeance. Je veux dire, c'est en représailles de quelque chose ? Oui. Alors, c'est pas en représailles. C'était justement en menace. Face à quelque chose qui allait être fait par la personne visée. Tu vas me faire ça. Donc, ah, il allait le spoiler. Il allait le spoiler. Ah ouais. Mais t'es fort. Mais t'es fort de dingue. On il allait spoiler une série. Ensemble, un vous faites des trucs bah, ensemble. Bah, j'ai de la bouteille. Non, mais ce jeu-là, je le fais. Alors temps, attends, donc. Mais génial. Alors, un policier raconte... australien de Sydney est allé jusqu'à menacer son collègue avec son arme à feu. Je tiens à dire, je comprends parfaitement. Il avait un flingue. C'est une des raisons pour laquelle je pourrais acheter un flingue. Il est redevenu Renault. Et les jeux de société aussi. Non, s'il te plaît. Tu veux un flingue en fait. Tu veux un flingue. Tu veux la moindre. J'ai pas mal de couteaux chez moi. Pour l'instant, je les ai pas utilisés. Donc, oui, un policier australien de Sydney est allé jusqu'à menacer son collègue avec son arme à feu parce qu'il prévoyait de lui révéler la fin du film. Et là, c'est là où je suis surpris. Ah. Alors la fin de Top Gun 2. Ah, qui est oui. quand même pas un film. Oui, bah, cohérent, cela dit. Bah, c'est dur à spoiler. Oui, je m'attendais pas. Il tue les méchants, quoi. Enfin, c'est pas. Donc, l'agent Dominic Gaynor, âgé de 30 ans, a comparu le 9 novembre devant le tribunal. Il a plaidé coupable, mais dit que lui, c'était une blague. Il voulait pas vraiment faire ça. Malheureusement, il a hurlé ne gâche pas le film, connard, je vais te tirer dessus. Et malgré les réprimandes d'un autre de ses collègues, il n'a pas tenu compte et a dégainé son arme. Toujours en riant. Et du coup, la personne visée a déclaré au tribunal avoir été traumatisée et a arrêté d'être policier. Oui, c'était la bonne, la bonne issue. Ça, j'ai l'impression. Oh, bah, si c'est pour se faire braquer pour Top Gun, je préfère arrêter. Je vais aller vendre des fleurs sur. avec un bourreau. C'est bien, on met en lumière plein de petits génies comme ça. Bah, écoute, ça détend. Bah, ouais, tu vois, ça super. Détend. Vous êtes comment, vous, sur les spoilers ? Bah, flinguer des gens, mais alors que toi, j'imagine que t'es à fond dedans. Oh là là. J'aime pas, ouais. Ça m'agace. T'es même très genre. Non, mais là, tu vas. Quand je lui raconte un truc. Oui. Non, alors... mais là, tu vas raconter. C'est ce gars-là, t'es ce gars-là. Non, mais parce qu'il y a des gens qui disent. Mais je raconte mal, cela dit. Et ils disent. Alors, la fin, tu vas voir, tu vas halluciner. Tu fais. Ah, c'est mais déjà dis pas du ça. Spoil. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ah bon, c'est déjà du spoil, très, ça, pour vous. Ah, vous êtes vraiment des cousins. On est très. J'ai l'impression qu'il y a. Incroyable, hein. Deux frères, vous êtes PNL pour moi. C'est ça. C'est PNL du podcast. Vous êtes PNL, hein. Non, je vous le dis. On est au début. Je pense qu'on est au début de quelque chose. J'ai l'impression. Pas date dans les. Déjà, moi, quand j'ai vu que t'étais juré d'un festival de jeux de société, j'ai fait OK. Lui, OK. C'est bon. C'est bon. Autant Baptiste Le Caplain la semaine dernière. Non. Cata. Il m'a harcelé sur WhatsApp. Mais j'ai vu. T'avais. Il m'a dit. Parce qu'on entendait mon truc sur. Bon, bref. Vas-y, Baptiste. Non, mais si, ça va être l'occasion de présenter mes excuses aux auditeurs et auditrices. C'est que j'avais un petit jouet anti-stress qui faisait effectivement énormément de bruit et parce que je suis toujours en train de tripoter des trucs si j'ai quelque chose dans la main et là j'avais ça et du coup dans l'épisode avec Léna Situation et Biflo on l'entend un peu ouais. Et l'épisode sort et lui il m'envoie des vocaux le Caplain quoi. Il dit mais mec t'es taré, tu joues avec ton truc, on t'entend et tout. Je fais il limite hyper bien pour le coup. Je fais hyper bien. Oui bah je sais c'est fait. Et je lui dis oui je sais mais après j'ai arrêté et tout. Il fait sérieux, non mais y a pas de je sais, t'es taré ou quoi. Et au bout d'un moment je lui dis oui bah c'est, il est pas aussi c'est fait excité, c'est fait quoi. Il me dit c'est fait, non mais attends, mais t'es un malade. Et donc au bout d'un moment j'ai aussi envoyé des vocaux en lui disant mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, c'est bon, j'ai arrêté de jouer avec, fous-moi la paix quoi. Et après au bout d'un moment il a arrêté de parler. Je sais pas s'il l'a vraiment mal pris aussi. J'espère que non, parce que c'est quand même lui qui m'a agressé à la base. Donc, Et donc t'es venu les mains vides aujourd'hui. Il a pris ses erreurs. Faudrait pas qu'il soit policier Baptiste Le Caplain. Donc pareil, toi sur les spoils, Vincent, c'est pas, ça peut t'agacer ? Ouais, bah oui, non, mais en même temps, j'ai trouvé la parade. C'est que je ne regarde plus aucune série ni aucun film. Ah, bien. Ah, super. C'est radical. Ouais, génial. Je regarde que des ramettes de papier blanche. Allez me les spoiler. Allez me les spoiler. Le bah, tu vas voir à la fin. Me dis pas le grammage. Me dis pas le grammage. Je l'ai pas encore touché. Non non mais je suis en ce moment, mais j'ai un petit passage à vide. Je suis enseveli et hagard devant l'offre. Je sais plus quoi regarder. Oui. Je suis vraiment complètement perdu. Oh, j'arrive plus. J'ai un sentiment de ne pas sortir la tête de l'eau. J'ai voulu prendre la parole et du coup je me suis dit non, juste c'est un micro. Quand non mais non mais ce qu'il dit pas surtout c'est qu'il est sur scène tous les soirs. Oui. Quand il est pas sur scène, il fait de la promo pour la sortie de notre film là. C'est ça. On oui, en tourne très province, occupé en ce moment. Franchement, c'est je vois pas comment t'as de l'espace de cerveau disponible. Oui, c'est vrai. Et c'est difficile, je trouve, surtout quand on le voit dans ce qu'il fait sur scène là. C'est difficile, je trouve, d'avoir de la place pour de la fiction et pour se mettre dans d'autres histoires quand tous les soirs tu fais ce que tu fais au théâtre. Oui, oui. Parce qu'il faut voir, il chante, il joue, c'est, elle est dense. Tout ce que tu détestes, quoi, au final. Il joue à la bonne paye. Il joue là en faisant. Déplaçant son petit pied. Non, mais je vois pas comment, avec ce que tu donnes tous les jours, là, je vois pas comment tu peux. Non, mais en plus, il n'y a plus assez de temps dans la vie pour. C'est-à-dire qu'il y a tellement de. Ah, moi, je suis très glouton, j'aime les jeux vidéo, les jeux de société, j'aime les conversations vraiment comment dire, improductives avec les amis, j'aime le cinéma, j'aime la littérature, j'aime. Tu vois, t'as ton chien maintenant aussi. Ça j'ai mon chien, temps, j'adore jouer incroyable. Avec mon chien. Ouais. Mais on est vraiment cousins, hein, c'est tout. Ouais, mais comment c'est chiant de. Et, du coup, et c'est pour ensemble. Ça que je suis nostalgique aussi, je crois. C'est parce que je ne me console pas du fait que ça va s'achever un jour et qu'on pourra pas recommencer et faire ce qu'on n'a pas. Tu vois je vois ce que tu veux dire. C'est ça qui m'en fout. T'as peur de la mort en fait, plus que, de la... plus que d'être nostalgique. Ouais, ouais. Mais t'en avais parlé dans un bon moment déjà. Je crois. Ouais. Il me semble. Mais vous c'est pas pour dire d'arrêter. Ah d'accord. Donc tu arrêtes. Ah bon bah ta gueule. Non, on l'a déjà fait donc. Non, s'il te plaît. On veut que du neuf. Géraldine, t'as un tatouage. Non, s'il te plaît. Si on peut pas faire enfin, redire pas les mêmes merdes que chez les autres. On essaie de voilà. Nous on parle de Vincent Lagaffe et de Gérald Ives, c'est quand même autre chose. Mais c'est vrai qu'on doit vous confondre de temps en temps, non? Parce que même physiquement, je veux dire, il y a capillairement, tu veux dire. Capillairement, oui. Oui. Ah. Non, oh, regarde! Non, mais si, quelqu'un qui n'est pas très physionomiste. Ah, ouais, il serait vraiment fatigué. Oui. Ouais. Très, très myope. Ou aveugle, oui. Ou à qui on a décrit par oral, quoi, les deux. En disant un chauve, un chauve avec frisé. Beaucoup de cheveux. Et bien, bah oui, je vois. Ah, oui, je vois, oui. Et sans aller jusqu'à sortir un gun, est-ce que vous êtes déjà fâché avec quelqu'un pour une raison qui valait peut-être pas trop le coup après coup? Est-ce que vous êtes capable? Capable. Sûr que oui, mais un exemple précis. Non, mais non, je demande pas un exemple précis, mais est-ce que c'est des trucs? Oui. Comment vous êtes sur le après? Est-ce que vous avez tendance à aller vous excuser assez facilement? Ou Moi, je fâche vite, fort, vite. Mais comme je considère qu'une fois que j'ai dit, bah ça y est, j'ai dit. Donc ça veut dire que c'est bon, c'est réglé. Ah, et si toi t'as donc dit toi, en face. Tu te réconcilies à peine, c'est. 6 secondes après. Si toi t'as dit. Si moi j'ai dit. Ça y est, après, c'est dis bon. Dis pardon, on a dit. Tu veux dire. Dire oui, pardon. Dit, oui. J'ai dit pardon, t'as dit pardon. J'ai aboyé, t'as aboyé. Mais non, mais parce que moi je suis pas d'accord. C'est pas moi la voix de l'Edibeg. Non, mais du coup, après, bah, à quoi ça sert de rester. Sauf si on considère, et c'est quand même beaucoup plus rare, qu'il faille ne plus traverser la route de cette personne. Oui, là, c'est non, encore non. un autre constat, mais c'est quand même très très rare, ça, j'imagine. Gros engueulade, des petits trucs, ouais, bah, vraiment un gros truc. Sinon, gros moi, je m'embrouille hyper vite et je me réconcilie dans la seconde. Toi, t'es embrouillé, Adrien, avec 1500 personnes ou pas? Non, en vrai, non, parce que je fréquente personne. Donc, disons que les gens qui restent connaissent ton tempérament. C'est vrai, non, je suis pas tant. Non, je m'embrouille pas. Et en plus, moi aussi, je présente mes excuses quand je considère que je me suis énervé à tort, ce qui n'arrive jamais malheureusement. Donc... C'est sûr. Non, en vrai, non, je suis pas trop. Enfin, je crois pas. En vrai, je pense pas être trop fâché avec les gens. Par contre, je peux m'énerver effectivement. Fort. Après, j'ai aussi une façon de parler qui est, je peux parler de choses avec intensité et on croit que je suis énervé. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc c'est compliqué, mais non, je suis pas. Oui, je m'énerve pas, je m'explique quoi. Non. Ça c'est un t-shirt saut que t'es en train de avec un singe. Attends, c'est incroyable. Ah, c'est ça. Tu l'as ce t-shirt? Hein? Tu l'as pas quand même? Non. Ah non, ça y est. L'image que t'as de moi, déjà que j'ai un oversize, pardon. Non, parce que c'est rigolo, j'ai remarqué que ton perso dans le film, c'est un peu ça, c'est quelqu'un de très énervé. Très en colère, ouais. Très en colère, qui a la mèche d'Orelsan aussi, j'ai remarqué. Qui a complètement la mèche d'Orelsan. Ah bon, il a. Ah, mais pour moi, c'est la mèche de Fabien. Il a ça, Orelsan? Tu vois, c'est un truc de génération. C'est vraiment pas la mienne. Vraiment nostalgique de pas ton époque. Ah oui, Orelsan, il a la mèche grise. Exactement cette mèche grise, ouais. Et à contrario, toi Vincent, dans le film, tu es quelqu'un pour le coup de très gentil, très permissif, qui se fait même un peu marcher dessus. Un peu marcher, oui. Trop bon, trop con, quoi. Oui, bah, c'était le premier titre du film fameux. D'ailleurs. Hein, ouais. Est-ce que c'est des t-shirts aussi. Est-ce que c'est des tempéraments que donc toi tu nous as déjà un petit peu répondu, Géraldine, mais est-ce que toi aussi t'as déjà été un peu ce gars-là dans la vie, Vincent, de te laisser un peu Oui, plus oui, un peu. Je suis plus proche de mon personnage que de celui de Géraldine. Moi je dis quand on me bouscule, je dis pardon. Ah, t'as le pardon facile. Ouais. Ouais, moi je dis, ouais, je comprends. Et puis, je déteste le conflit. Je suis phobique du conflit. Bah, on a vu avec le téléphone que tu mets en mode. Ouais, ouais. Donc, ça va de mieux en mieux quand même. Je me soigne. Tu sens que ça y est, tu peux dire, bah non, là je suis pas d'accord ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment le truc de la gentillesse. Mais les gentils, ont longtemps perdu quand même, non? Oui, un peu. Toujours, hein. Toujours, non, pas toujours. Ouais. Non. Ah. Bah, sachant. En fait, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre une bascule. J'ai l'impression que ça. Je le dis moi-même. Avec un L qui vole, avec un L qui fait un salto. Ouais. Non, mais j'ai l'impression qu'on change d'époque un petit peu à ce niveau-là. Que les gentils, qu'on est en train de reconsidérer la gentillesse comme une vertu, comme une qualité, voire même comme quelque chose de sexy, ce qui était vraiment pas le cas. Vraiment, les garçons gentils étaient. Pas les premiers à faire l'amour. J'ai vu que je crois que c'est Bumble, l'app de rencontre, qui fait des pubs sur ce thème-là. Ah oui, genre, sur la gentillesse. La gentillesse, c'est sexy. Voilà. Littéralement, ah, tu vois, ça, je crois. C'est sûr, si ça devient une idée marketing, c'est voilà. Ouais. Mais parce qu'on a beaucoup consommé la perversion, les pervers narcissiques, les gens toxiques. On a adoré être des bons samaritains, des saint Bernard, de sauver les gens. Mais non, ça, on n'a plus le temps. Oui, voilà. Tellement c'est devenu l'attrait, effectivement, un peu sexy et c'est bien d'être gentil. Oui. Les gens maintenant le disent sans le faire et disent c'est bon, ça passe. Bon, c'est ça, oui, mais ça suffit d'ailleurs hein, pour beaucoup de gens qui disent ah, mais lui il est vraiment gentil. Il mais l'a pourquoi dit, il l'a dit, c'est tout. Ouais. Je pense que si tu cherches 5 minutes, tu fais ah, oui, non, en fait, je l'ai jamais vu faire un truc gentil, juste qu'il a dit. En Inde, la sortie de Tiger 3. A excité les J'adore spectateurs. Déjà. Bah, moi, ça m'excite le titre déjà. Tiger 3. Que s'est-il passé dans la salle de cinéma de Malegaon? Il y avait des tigres. Alors, il n'y avait pas de tigres. Non, alors le film s'appelle Tiger 3, il n'y a pas de tigres dans le film. Il y avait des trois. Terminé pour y a des gens de trois. Il y a tous de trois. Des déplacements de trois. Et en Inde. Dans l'aube. Bienvenue à Tiger 3 et maintenant, Monique Pascaline qui nous vient de trois. Grosse prod, quoi. Alors, il y avait Félindra. Il n'y avait pas Félindra avec sa tête de tigre. Alors attends. Ça a excité. Ouais, les gens ont commencé à faire un peu n'importe quoi dans la salle. Et je vous demande quoi. Alors, est-ce que c'est par rapport à quelque chose qui se passait dans le film à ce moment-là? Oui, je vais même vous le dire. En fait, c'est l'apparition d'une star à l'écran indienne de l'écran qui s'appelle Salman Khan. En fait, dans le cinéma bollywoodien, il y a une grande tendance en ce moment dans le film d'action, le film d'espionnage, et c'est un peu comme les Marvel et tout, c'est des espèces de crossover. T'as le héros d'un film qui vient apparaître dans l'autre et machin. Donc là, il y a le personnage de cet acteur-là qui. Cet acteur-là qui était dans d'autres films, qui là est apparu dans ce film-là, et donc ça les a fait péter un câble. Ils ont pété un câble. Il faut savoir comment, ce qu'ils ont fait quoi. Ce qu'ils ont fait dans la salle. Ils ont arraché les sièges. Non, ils n'ont pas fait l'amour. C'était très beau. Ils ont pété les sièges. Ils n'ont pas cassé les sièges. Ils ont chanté. Ils n'ont pas chanté. Alors si d'ailleurs, ils ont peut-être aussi chanté, mais c'est pas. Ah, Géraldine aurait été folle de rire. Ils ont fait un qui est. Donc là, vraiment, lancez pas. Un qui est géant dans le cinéma. C'est non. Tu tombes. Ils ont. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont. Est-ce qu'il y a eu de la détérioration? Ah oui. Il y a même l'écran. Ils ont mis le feu. Alors, d'une certaine manière. Ah, mais ils ont mis le feu. Ce soir, on vous met le feu. Oui, voilà. Non. D'une certaine manière, ils ont mis le feu. Mais je vous demande un peu comment. Avec ils ont craché du feu. Ils n'ont pas craché du feu. Ils ont fait des bolas enflammées. À Chalon dans la rue. Ils sont allés à Chalon dans la rue. Ils sont restés sur le feu. Ils ont craqué des allumettes. Ils ont fait un bras zéro. Ils ont fait des barbecues. Il n'y avait pas de bouffe à doux. Un bouffadou. L'arme du crime. T'es dans un très grand avec diplôme. Un bouffadou. Un bouffadou. Non mais non, ils ont mis le feu. Il y a eu des flammes. Donc il y a eu des flammes. Il y a eu des flammes d'une certaine manière. Ah mais d'une certaine manière. Non, il y a eu des flammes. Bon, voilà. Ils ont tiré des feux d'artifice dans la salle de cinéma. Ah oui. Donc ça a cramé de. Ah bah, joie de voir apparaître ce type. Non mais attends. Ils étaient venus avec des feux d'artifice. Oui, c'est bizarre. Ils s'attendaient un peu à la voir apparaître. Alors, je pense qu'ils s'attendaient un petit peu. Ça se trouve, ça faisait 25 séances qu'ils étaient avec des feux d'artifice. Il est toujours pas là. Ouais, c'est ça. C'est nous, on a les pièces de lit. Et eux, ils ont les ils n'arrivent pas à s'enseigner. Moi, j'adore Karine Viard, par exemple. Je sais dans quoi. sais dans quoi elle joue. Elle est pas dans je le vais pas avoir toutes les séances avec des feux d'artifice. C'est ça, ça serait très drôle. Vraiment, juste un gars avec des feux d'artifice quand il y a Karine Viard qui apparaît. Waouh. Enfin. Bon, ça doit être Vincent De Dienne. Il l'adore, il l'adore. Cherchez pas. Donc ouais, vers 22h, plusieurs individus ont déclenché les feux en plein milieu des rangs, projetant des flammes sur leurs voisins. Voilà. Alors il n'y a pas eu de blessés, hein, tout va bien. Hein. Mais c'était déjà arrivé en 2021. Plusieurs séances avaient été troublées par des tirs de mortier lors de la sortie du film Antime, la vérité finale. Très bon titre. Antime. Antime. Pas Antibes, la ville. Hein. Non, ouais, en tout cas, avec les villes. Il y a toujours Antibes. Vas-y, refonce toutes les villes de France. C'est un multiverse. Hein. Ouais, ouais, c'est un multiverse. Face à l'ampleur du phénomène, l'acteur lui-même, Salman Khan, a souhaité calmer l'ardeur de ses fans. Écoutez, c'est dangereux. Profitons du film sans nous mettre en danger ni mettre les autres en danger. Soyez prudents. Peut-être tout ça en brûlant. Hein. Ouais, ouais, en flamme. Super. Peut-être une petite fouille à l'entrée des. Ouais, pour ça éviter serait sympa, peut-être. Pas de feu d'artifice. Ouais, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que vous, il y a. Parce que là, je vous dis, c'est une saga bollywoodienne. Est-ce que vous, il y a un truc culte français où ça vous exciterait de mettre un peu vos mains dedans? Toi, Géraldine, par exemple, t'as quand même joué dans deux grosses licences de bande dessinée, Marsupilami et Lamy, Spirou. Ouais. Ah, oui, exactement. Elle a fait Kaamelott aussi, elle a fait Kaamelott aussi. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est ultra agréable. Ouais. Mais oui, parce que tu appartiens à un univers, tu rentres dedans et tu sais que tu appartiens à cet univers-là et c'est très très très agréable. Et c'est une petite pression aussi ou pas? Ouais, franchement, c'est une grosse pression parce que tu sais aussi qu'il y a un public qui est très précis sur la véracité de tout ce que tu dois faire à cet endroit-là. Très exigeant. Très exigeant. Ouais, attentif. Donc, du coup, c'est une petite pression plus pour les metteurs en scène, effectivement, à chaque fois. Mais quand même, moi, j'étais pas tranquille avec Pétunia dans le Marsupilami, par exemple. Oui, c'est ça. Tu dois jouer un personnage qui a été dessiné, etc. Ouais, j'étais pas tranquille. Mais le Marsupilami, il y avait eu un sacré bon taf aussi sur les décors. Enfin, il a vraiment fait un truc de. Ça ressemblait vraiment à des cases de Franquin. Parce qu'il est complètement. Alain Chabat est complètement fou de BD. C'était pas pensable pour lui de pas rendre à César. Vous avez remarqué que les plus grands génies de notre pays s'adressent systématiquement à Géraldine Nakache. Ça veut dire quoi? Bah Astier, Chabat, les gens. Là là. Non mais c'est vrai. Je les aime, et je les embrasse et je les aime. Et ils vous écoutent parce qu'ils vous aiment aussi. Je pense pas. Si. Arrête. Non, mais c'est super gentil. Alex Astier, vous écoute pas? Non. Bah Alex. Pas, non, je pense pas. Ah bon? Non, mais t'inquiète. Mais Alex, arrête d'insister. Je vois bien que ça n'écoute pas. Ça est rentré. J'étais sûr de mon coup, moi. Mais c'est trop mignon. Toi Vincent, il y a quelque chose dans la culture. Alors tu disais en antenne que t'étais pas très BD pour le coup, que t'avais pas. Non, ça j'y connais rien. Attends, on parle de BD exclusivement? Non, non, là je pensais BD parce que Géraldine effectivement a joué dans deux films, mais est-ce qu'il y a. Ça peut une même franchise être. Franchise française. Ils ont fait les Mousquetaires ou les trucs comme ça. Ah oui, est-ce qu'il y a un espèce de. Lupin. Est-ce qu'il y a un espèce d'énorme truc comme ça français qui pourrait vous exciter? Non, mais moi j'aime bien l'univers de. Putain mon dieu. Non, mais le côté Sherlock Holmes, enquête. Cluedo malheureusement. Ah mais si Cluedo, je comprends. Il y a un film Cluedo d'ailleurs. Ouais. Il y avait une émission télé qui était géniale, que c'est Cluedo, où c'était moitié de la fiction, moitié un jeu. Ah oui, c'était vraiment bien ça. Ah c'était génial. Ça sentait la naphtaline. Non, c'est trop bien. Il tournait. Il y avait par exemple André Pousse, comment elle s'appelle, celle qui fait Marie-Pierre Cazet. Bernard Ménez, il faisait Docteur Olive. Toute la nouvelle génération. la... Bah ceux qui ont fait la une de GQ le mois dernier. Bah oui, voilà. Les François Civil et compagnie. Ils t'ont pas appelé, tu vois. Alors moi j'ai les génies, mais j'ai pas la nouvelle génération. Mais c'est une grande tradition française. Je vous rappelle aussi de cette émission, je sais pas si vous vous souvenez, de Patrick Sébastien qui résout des crimes. Si vous avez oublié cette émission, où il était juge. Il a tout fait. Ça s'appelle comment l'émission? Alors j'ai oublié le nom, faudrait que je regarde. En gros, c'était une star était accusée de meurtre. Mais mince, Jean-Pierre Coff a tué quelqu'un dans un train. Ouais. Et Patrick Sébastien interrogeait des témoins et tout, et c'était que des gens connus. Mais attends, il se faisait la tête de quelqu'un ou même pas? Comment Non. Tu veux dire de l'autre côté du miroir? Non, non, on parle pas de la tête d'un juge. Ah, j'aimais bien de l'autre côté. Tu fais la tête. Ouais. C'était super. Non, je me souviens plus comment ça s'appelle, Patrick Sébastien. Ah mince, Inspecteur Sébastien, je crois. Intime conviction. Ah, bref. Intime conviction. Ah bon? L'affaire Barbelivien. L'affaire Jean-Pierre Coffbat. T'es star, j'imagine. Ah ouais, Barbelivien. Toutes les filles que j'ai. L'affaire Lio. Voilà, enfin, il y a vraiment. L'affaire Lio. Et donc, c'est des gens qui sont accusés de crime. Lio, on l'adore par contre. Et c'est des gens accusés de crime et il faut deviner s'ils ont vraiment fait ou pas le crime dont ils sont accusés. Tout ça, j'ai envie de le relancer, ça. Non, ça, c'est un univers que moi, j'aimerais bien. Et bah voilà, bah regardez là. Bah faites, Regarde un petit truc. Toi, Adrien. Donc quoi, une licence française? Oui, ça peut être en tout cas un truc un peu cul. Moi, il y avait un truc. Alors, c'est pas que français, mais j'en avais déjà parlé, je crois. Mais c'est Inspecteur Gadget. Moi j'adorerais faire un film Inspecteur Gadget. Ah ouais. Alors parce que c'est, je crois que c'est franco-américano ou japonais, je crois, Inspecteur Gadget. Ah bon, ça va être fait, non? Ça, bah, il y en a déjà eu un avec Matthew Broderick. Ah oui, oui, ouais, exact, exact. Moi ce que j'aimerais, c'est faire une version un peu genre un peu comme Birdman dans l'esprit, ouais, c'est-à-dire Inspecteur Gadget, mais genre qui est ringardisé. Ouais. Génial, c'est trop bonne idée, trop bonne idée, dépêche-toi, Philippe Lachaud va le faire. C'est vrai. Mais c'est vrai que je lance, ça fait deux fois que je ça fait deux fois que j'en parle, personne. Ah, mais en plus, il y a un film, j'ai vu, parce que j'ai, il y a un producteur qui m'a dit, bah en fait, regarde. Non, bah, attends, on s'en fout. Voilà, faut faire très vite là, dans deux mois. Il y a eu deux guerres des boutons. Choisis qui comme inspecteur? J'ai pas une tête. Quelle tête il avait, l'inspecteur? Comment ça, j'ai pas une tête? Si, en plus, t'as une tête d'inspecteur. Ouais, pour le coup, Inspecteur Gadget, mais tu peux avoir la tête que tu veux. T'es trop jeune. Bah, c'est ça, il était un peu âgé. C'est plus Gotenner. Faut pas exagérer, madame Nakache. Comment vous y allez? Non, c'est Laurent Lafitte ou juste milieu. Comme ça. Oh, Lafitte serait marrant. On a ce serait marrant, il est peut-être encore. Ouais, mais trop jeune aussi, les gars. Peut-être un peu trop jeune. Ouais. Ah ouais? Ah non, il a pas 60 ans, là, l'inspecteur Gadget. C'est Gotenner. Gotenner, il a. Je vous le dis. César du meilleur acteur dans 4 ans. Gotenner, il a quel âge? Bah non, mais c'est pas grave, c'est Gotenner. Bon, ce sera Gotenner. En tout cas, la musique, ce sera Gotenner. Oh là, qui voilà. Inspecteur Gadget. Mais non, mais l'idée est géniale parce qu'en fait, c'est vrai que l'époque là de toute façon ringardisait l'inspecteur Gadget. Bah oui, c'est ça. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un gadget aujourd'hui? Parce que c'est là, même sa dégaine et tout, ça dégaine, c'est ringard. Bah, le grand impère, tout ça. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est pas c'est triste, c'est triste et drôle à la fois. Faut le faire, tu m'entends? Faut vraiment le faire marcher devant un Apple Store. Gotenner, je le mets entre petits guillemets quand même. Mais dans un coin de ta tête, laisse germer. Gotenner, en tout cas. Laisse germer l'idée. Un peu plus loin dans l'alphabet, texte. En tout cas, c'est un plan. Je garde Gotenner dans un tiroir. Chers amis, j'ai un deuxième jeu à vous proposer. Ouais. Je vais crever de bonheur, pas, en fait. Ça s'arrête pas. Est-ce que vous jouez dans le film Je ne suis pas un héros? Alors évidemment, je ne suis pas un héros également. Chanson. Non, je vais pas chanter. Demande à Vincent. Oui. Tu pourras chanter à tout moment. Mais c'est effectivement une chanson de Daniel Balavoine. Et il faut savoir que c'est une tendance régulière dans le cinéma français. C'est quelque chose qui arrive régulièrement que des titres de chansons soient également des titres de films. Donc je vais vous raconter, je vais vous pitcher des films dont les titres sont des chansons en remplaçant le nom des personnages par les chanteurs qui ont interprété les dites chansons. Les chansons, ouais, par compliqué. Exemple. Tu m'as embrouillé là. Vous allez voir, c'est compliqué. Malheureusement. Ouais. Si je vous dis Daniel Balavoine travaille dans un cabinet d'avocats où il se fait marcher dessus. Je ne suis pas un héros. Ah, ok, d'accord. Au lieu de dire Vincent de Vienne. Ça va pas être trop facile. Ouais, tu me donnes une partie de la réponse. C'est un petit indice. Mais j'ai pas pris des films de méga. Enfin, tu vois, il y a de tout. Si c'est trop facile, de toute façon, tu. Ça commence très facile et après, le premier. Attends, on peut peut-être même trouver avant même que tu. C'est-à-dire quoi? C'était médium. Alors le premier est très facile. Ouais. C'est un road movie dans lequel un père va tenter de réconcilier ses enfants. Tout d'abord Jean-Jacques Goldman, thérapeute terre à terre, et Céline Dion, plus grande fan de J'irai, j'irai où tu iras. J'irai où tu iras. De Géraldine Nakache. Bah oui. Bon, si j'avais pas trouvé, j'aurais été lourde à ça. Eh oui, qui décide de passer une audition pour devenir choriste de Céline Dion, J'irai où tu iras avec Géraldine Nakache. De Géraldine Nakache. Et Patrick, Tim Cite et Leïla. Il y a des gens qui connaissent plus. Qui connaissent plus. Natacha. Non, il y a des gens qui disent Natacha. Oh waouh. Wow, c'est un moment dans Babacar. Le film mais... Oui. Wow. Natacha. Ouais, elle dit pas. Personne dit Natacha. Benny B a un grave problème d'addiction à la cocaïne qu'il consomme quotidiennement depuis plusieurs années. Un jour, l'une de leurs filles fait une crise d'épilepsie grave. Mais vous êtes Vanilla Ice. Non, mais vous êtes fou. D'Audrey Diwan. Non, mais vous êtes fou. Avec Céline Salette et Mio Parpaille. Vanilla Ice. J'ai dit un nom de groupe, moi. Oui, t'as dit. Vanilla. Vous voulez dire Vanilla Sky? C'est ça que vous voulez dire? Non, je sais pas. T'as dit Vanilla Sky. Tu me demandes à moi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je sais pas parce que c'est. Non, cela dit, Vanilla Ice, une sorte de Benny B américain, un peu. Mais pourquoi j'ai dit ça? Ça n'a rien à voir avec le jeu. Non, c'est pas. Enfin, ça n'a pas rien à voir. C'est pas du tout les règles, vous qui. D'accord. Et voilà, trouver un titre de chanson. Ouais, c'était le film d'Audrey Diwan, d'accord. Très bon film. Ah ouais. Benny B est A2CUSE. Il est bien sûr accusé, vous l'avez deviné. Bien sûr. Renaud est pompiste. C'est un énorme loser, profiteur et qui essaie de baiser tout ce qui bouge. Marche à l'ombre. Non, viens chez moi, j'habite chez une copine. Mais bonne réponse de Patrice Lecomte. Alors prenez pas ces extraits. Très bonne réponse de Patrice Lecomte, t'as dit. Oui. Très bonne réponse de Patrice Lecomte. J'aurais dû mettre une virgule. Oui, bah oui. Dis la ponctuation, parce que là, on a largué. Mais vous le connaissez, le La Terre est bleue comme une orange. Oui, c'est ça. c'est Apollinaire. Oui, bon, Apollinski. Ça va. Lionel Apollinski. Oui. Lionel Apollinski. Le Balfringue avec Vincent Lagarde. Alors, locataire d'une chambre qu'il a du mal à payer, Patrick Coutin, fils de fleuriste de province. J'aime regarder les filles. Mais c'est quoi le film? Tu l'as vu? Avec Pierre Ninet. Non, je connais que la chanson, moi. Oui. Pierre Ninet, je sais plus qui. Et Lou Delage. Le film, c'est. J'avais bien aimé. J'aime regarder les filles. Oui, mais si tu as en plus. Oui, bon, ça va. Moi, j'ai pas le droit de gagner, en fait. Si, bien sûr, Adrien. Arrête la maison. Mais je connaissais pas le nom en plus du chanteur. J'ai appris une bonne chose. Je savais pas Patrick Coutin. Ouais, je connaissais pas Patrick Coutin. Patrick Coutin, qui sonne pas vraiment de nom de chanteur, je trouve. Non, Patrick mais Coutin, à cette époque-là, ça sonnait très peu chanteur. Il a fait une chanson. Ouais, c'est vrai. Stromae rejoint sa sœur qui est tout bonnement opposée à. Oh là là. Mais alors, c'est quoi déjà? Je sais pas, moi j'ai que les chansons. Laisse-moi au moins finir le truc alors. J'ai pas le droit de gagner à ce jeu. J'ai un peu écrit. Tu vois, c'est trop facile. Faut enlever le nom des chanteurs. Mais du coup, c'est un peu moins... c'est peut-être plus dur. Ouais, ça va être plus dur. Par contre, on a deux ans à trouver. Ah oui, non, mais oui, mais là, oui. En vrai, ça va être trop dur du coup. Trop dur, peut-être. C'est peut-être moins amusant pour les auditeurs. Essaye avec des Paul Poul. En fait, il faudrait que le nom, si c'était vraiment. Bah non, un monsieur qui s'appellerait Paul Poul ou un truc comme ça. Ok, bah alors, Paul Poul menace la police avec un poireau. En effet, on veut l'arrêter. Inspecteur Labeu. Non. Une terrible course contre la montre s'engage. Tout le monde veut arrêter Paul Poul, c'est ça? Oui, Paul Poul. Ouais, Paul Poul. Tout le monde veut l'arrêter. Ah, je sais, Zai. Mais oui, j'étais fort, bien sûr. Bah, tu vois, c'est possible. J'ai un peu triché parce que la chanson s'appelle Sur la colline. Mais bon, ça va. Pas le titre. Un nom de femme plutôt maintenant, Géraldine? Patricia Cass. Patricia Cass. Elle existe, mais pas que. Bon. Patricia Cass est une femme d'affaires influente qui a tout sacrifié pour sa vie professionnelle. N'ayant ni amis, ni mari, ni enfants, elle tente de changer le cours des choses le jour où elle apprend à avoir un taux de testostérone anormalement élevé pour une femme. C'est Catherine. Non. Il y a pas Catherine Fro. C'est pas Audrey Dana avec les filles là, sous les jupes des filles. Sous les jupes des filles. Oh, pas mal que t'aies dit avec les filles là, sachant que tu joues dans ce film. C'est vrai. C'est pas machin là, les filles. Dans lequel tu joues tout à l'heure. C'est vrai. Avec entre autres aussi Vanessa Paradis, Isabelle Adjani, Alice Belaïdi, etc. Que Didi. Les Didi. C'est fou. Cochon qui se déguise. Non. Patrick Benguigui. Jean Benguigui. Jean Benguigui aussi. Catherine Benguigui aussi, ça marche. Découvrez 12 ans de la vie de Paul Poul par le récit de 5 journées plus importantes que les unes que les autres. Qui changeront sa vie pour toujours. 5 fois 2 Non. Non, pas 5 fois 2. Redis. C'est découvrir 12 ans de la vie de Paul Poul par le récit de 5 journées les plus importantes que les autres. Ah, mais attends, je me souviens très bien, 12 ans. Alors, il n'y a pas 12 ans. Non, il y a 5 journées. C'est Besançon, là, c'est pas ça? Bah, c'est quoi le titre? Bah oui, j'ai oublié. Ah! Bah oui. C'est un truc de Goldman, non? Attends. Non. Le premier jour du reste de ta vie. C'est ça. Etienne Dao. Oui, Etienne Dao. Ah bah j'avais ni matin comme tous les autres. Ça c'est sublime, ça, non? Ah ouais, c'est trop beau, ça. Très joli. Un nouveau Paris. Ça il chante. Bah oui, mais on aime bien. Trouver un peu de magie. Vas-y, j'aime bien parler. Dans cette inertie morose. Il a les yeux fermés, je précise, parce que il est investi. Il a enlevé une partie de son casque comme ça et il a fermé les yeux. Le premier jour du reste de ta claque vie. Des doigts, je t'en supplie. En chantant. Les plus compliqués. Ça, j'aime. Oh, le crooner, mais t'es un crooner. On pourrait pas prier. Quoi. Oh là. On pourra dire beaucoup de choses de moi quand c'est mort. Mais on pourra pas dire, fallait tout le temps le supplier. De chanter. Non, très pas. Très bonne patte quand alors, tu fais Vincent, tu aimes chanter? Oui. On a un dernier jeu. Ah. Alors là, Géraldine peut péter la table de colère, de rage. Voilà. Tu veux que je. Ok, je t'en supplie. Alors il va aller le chercher. Il va chercher quoi? Ah, il y a des accessoires? Ouais, enfin, c'est un jeu qui existe et qu'on utilise. Ah, c'est un jeu qui existe. Oui, oui. Oh, ah. C'est un truc qui existe, qui est vendu dans le commerce et oui. Tout. Ah, ça me fout le cafard. Mais c'est immédiat, je c'est sais pas comment ça. Le dire. C'est incroyable. Oh, putain, je connais c'est pas, des cartes en verre. Non mais c'est normal. Je vais raconter la petite anecdote d'abord autour de ça. Ah, je connais, 25 minutes, je connais ce jeu. Comment? Je connais ce jeu parce qu'il y a une membre du jury de Last Door qui en a parlé. Ah ok, d'accord. Oh. Alors en gros, j'étais, je me demande si même je ne rentrais pas d'un floodcast justement à pied, j'adore marcher. Et j'ai... Oh, ça c'est pour vous, hein. C'est une petite croquette. Oui, que voilà, vous, c'est chez vous, il adore marcher. Voilà. Mettez ça sous il la dent. Adore marcher, j'aurais pas dit. Et ouais, mais si, bah, tu vois, j'ai encore des surprises à te réserver. J'aurais petit pas dit. Vincent. Non, et j'étais dans un magasin Emma. Chercher des petits. Chercher des aiguilles et du fil à coudre. On en a rien à foutre, explique. Oh, mais j'arrive pas à raconter ça. T'es le mec le plus cool du monde ou je rêve? Je suis top. et avec une vie trépidante. Non, et il y a quelqu'un qui se plante devant moi, essoufflé, à bout de souffle. Donc je me dis, bon, il va me poignarder, c'est bon, c'est la fin de ma vie. Et il me dit, ah, Adrien, je sais que t'adores les jeux de société. Et il me donne ça et il dit, du coup, j'ai couru chez moi et pour aller chercher le prototype du jeu que je fais avec mon père. Oh, c'est gentil. Donc il a créé ce jeu. Il l'a conçu. Oui. Ah ouais. Donc c'est ça, c'est une boîte prototype, quoi. Avant que tu chies dessus, Géraldine. Et du coup, moi, j'ai honte, du coup. C'est pas commercialisé, donc ça te fout pas le cas. Moins non, moins qu'un. Là, ça fout moins. Non, et je trouve ça très joli. J'ai couru chez moi, je l'adore. Et c'est lui, il s'appelle Charles, du coup. C'est pas, il s'est pas présenté, mais il m'a donné Charles le jeu sur la boîte. C'est le nom du jeu, a priori, Charles. Ouais, bah c'est lui ou son père, les gars. Sinon, c'est complètement. Calme-toi, t'es en colère. Non, mais... Et en gros, le principe est très simple. C'est attends, qu'il y a... pardon, il t'a expliqué le jeu du coup? Non. Wow, il te l'a donné et tu il t'es me l'a donné, mais c'est très simple, donc ça va. Et en fait, le principe, c'est il y a deux paquets de cartes. Ouais. Il y en a un qui va définir l'air oui. connu sur lequel on va chanter et l'autre les paroles. Je suis content. Et il faut chanter. Que c'est dur. Alors, que c'est dur. Il faut trouver les donc deux chansons. Ça veut dire chansons. Que tu vas mettre les paroles ouais. de Dao sur ouais. l'air de J'irai où tu iras. Bah par exemple. C'est insupportable. Non, c'est excellent. J'irai où tu iras. Non, la personne écoute. Ouais, mon pays sera toi. Toi. Waouh, c'est dur. Voilà. Et donc, écoute, Vincent, je propose que allez, tu vas-y. Commences. Vas-y. Ah, bien sûr. Pourquoi oui. Je t'avais pas dit qu'il allait adorer. Bah, pourquoi se priver? Alors, je suis. Écoutez, tu franchement... n'es pas obligé de, non, de chanter. Mais je crois que je vais adorer. Ah, ah ouais. Ah, c'est pas alors, vraiment un jeu. Ça. Tu as pris les ouais. cartes au milieu, ce qui m'a perturbé. Oui. J'ai... Ah, tu veux que je prenne deux? Non, il y a aucun problème. Gâchez pas tout. Okay, vous avez une belle amitié. Attends, tu connais les deux et tout, ça va? Ouais. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'internet pour les paroles? C'est pas sur la carte les paroles? Non, mais alors je crois que pour les. Enfin, je sais qu'il y a. Je sais plus laquelle des deux. Il y a trois propositions de chansons, comme ça t'es sûr d'en trouver une que tu. Ah, sympa. C'est parti, j'en ai choisi une. Ouais. Vas-y. Oh là là, ça va être dur ça. Je lui dirai les mots bleus. Ah, c'est. Storming my penalties dans le thème des sons. Killing me softly. Ouais. En trois syllabes, oui. Vous avez trouvé. Alors, c'est les. C'est l'origine, mais c'est une reprise. De Roberta Flack. Exactement. Ah, ouais, Roberta Flack, pas mal. Super. En trois syllabes. Ouais, pas mal. Super, mais. Bravo, bravo. T'as été top. Allez, Adrien. Adrien, à moi. Allez. Alors vas-y. Ah si c'est sympa, j'aime bien Charles. C'est sympa ça. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Bon mais je suis content. Ouais, je suis trop content. Ah mais ils mettent les paroles en fait. J'avais oublié. C'est bah génial. Oui, sinon t'imagines. Sinon, fallait sur Google. Oh waouh. Wow. La Zoubida, hélas. Ok, non, j'ai un truc. Ok. Malheureusement. Avec la vie en rose. La vie en rose. Attention, on est. Pardon. On est pas loin. Ah, non, on est pas loin. Alors, depuis le temps que je patiente dans cette chambre, la corrida, moi j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante. Samedi soir et samedi soir, d'assaut et la corrida de Brest Cabrel. Samedi soir et la corrida. C'est ça. C'est Whatty by Night. Whatty by Night. La section d'assaut et la corrida. On se régale si tu nous écoutes avec ton jeu. Voilà, on se régale. Ah ouais. Terrorise Adrien, mais ça valait le coup. D'ailleurs, tous les auditeurs, n'hésitez pas à foncer sur Adrien pour lui proposer des trucs parce que regardez, elle a dit à moi. Elle est contente. Oh là là, on a plein de chance grâce à vous. Il y a la magie du foot. Un narratif dans ce podcast. À moi, à moi. C'est fou, hein. Ah, c'est dur, j'aime pas. Attends. Le All is Lost, attendez. Allez, on ressort le Monopoly. Mais tu les tiens loin de tes yeux, les cartes. Ah, tu commences pas à dire que j'ai mon âge, hein. C'est la première fois que je la prends en flagrant délit de. Attends. De ne plus avoir l'âge qu'elle avait. Alors, attends. Ah, les. T'as relevé la lèvre supérieure pour regarder les cartes à faire. Alors, attends. Attends. Oh, tout va bien, attends, hein. Bah, pas de stress. Par contre, les cartes attends, sont mauvaises. La mauvaise pile, okay. Ça c'est non. Ok. Ouais. Il y a un code couleur qui est okay, assez clair. Ok, on y va. Elle peut ok, ah, c'est dur, les gars. Allez, un, n'aie pas peur. Deux, trois. C'est une maison bleue. Et Jude et une. C'est San Francisco. Ouais. Oh, sublime. C'est bien. Oh, c'est bien. Laurent, tu vas pas y couper, tu vas jouer. Tellement faux. Ah bon? Non, ça n'existe pas, il paraît. Ah ouais? Tout le monde chante vrai. Juste. Attends, non. Attends deux secondes. Alors par contre, Vincent, je chante alors, vrai. Je chante vrai. Le truc qui me perturbe encore plus que Vincent qui prend les cartes au milieu, c'est que toi tu les remets au milieu. Non, je les remets dedans, non, au milieu des trucs. Mais tu t'imagines bien qu'on peut pas faire ça? On les met en dessous, enfin. On les met où? En dessous complètement? Bah oui. Bien sûr. Sinon, on va t'as qu'à les remettre au-dessus, comme ça on joue avec la même carte. Ok. Ouais, ça vous fait rire, vous les joueurs. Hein. Oh. Ah, moquez-vous, moquez-vous. Je connais, c'est une blague de joueur en fait. Excuse-nous. Hein. La petite famille des joueurs qu'on est. Alors, je vais tenter. Emmenez-moi Charles Aznavour. Au bout de la terre. Ah oui. Emmenez. True Colors de Cyndi Lauper. Ah, au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Ah, malheureusement. Non. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi. Et là, après, il y a oh oh oh. Ah, j'ai faim de toi. Non. Attends, attends. Mais c'est américain. Ah ouais, moi je connais pas ça. Allez, ouais. Putain. Oh, moi je connais pas ça. Alors, je peux vous en faire un autre. Oui, un autre. Ah, ah, c'était See You Again de Wiz Khalifa. Bah, on connaît pas. T'es avec tes conneries. Fast and Furious. On connaît pas non plus. J'avais refait avec un autre sur la carte. Il gâche. Mais j'aurais refait Emmenez-moi. Ça aurait été dommage. Non, mais il y a d'autres airs. Ah, je peux garder d'autres airs, c'est vrai. Alors vas-y. Il a regardé la carte. Non. Il l'a remise. Ah, ça allait avec vos tocs là. Non, non, ça va, tout va bien. Vous voyez pas, mais Vincent m'a mis une droite. Alors, on a coupé, il y a eu un peu de montage. Il y a un peu de montage, il m'a mis une droite. Un petit sac de petits pois surgelés sur la joue. Dans la vallée de Dana, j'ai pu entendre les échos dans la vallée. Capitaine abandonné de Gold. Ah ouais, waouh, mais Gold, mais tu chantes pas très bien. Mais, alors, attention. Alors, c'est dur, non seulement tu chantes pas, mais en plus tu chantes pas avec ta voix. Bah ouais, donc, mais tu prends la voix d'une autre personne qui chante mal. Ah oui, c'est ça. Oh, c'est horrible. C'est comme si tu ne supportais pas qu'on dise tu chantes mal. Tu chantes mal. Non, c'est pas moi qui chante mal. C'est gars qui c'est fait Mathilde. Non, c'est pour rigoler. C'est pour rigoler. Je fais un perso. Oh, wow, non, mais j'ai prévu. J'ai non, dit mais je chantais c'est très vrai. Non, mais oui. Moi, pour le coup, je déteste chanter. Ah, non, quel menteur. Non, mais en vrai. Non. Tu chantes des énormes. Oui, quand on pas fait bien, des blagues. Mais t'adores chanter. Non, j'adore le chanter à l'Olympia. T'as chanté à l'Olympia. À l'Olympia. Je vais te montrer ma petite croix rouge, Vincent. J'ai chanté à l'Olympia. Un cours d'art dramatique. Quand vous êtes surpris, il faut le jouer comme ça. Non mais t'adores, t'es le premier à vouloir. Non mais à vouloir hurler, faire des... à hurler, il y a l'ambiance bon. Stade. Oui. Je peux vous dire un truc. Dis-nous, t'as chaud. Vincent il sort de 4 heures de shooting pour Télérama. Et il est venu de Télérama à ici. C'est ce qu'on et appelle coup, un choc thermique. Un gap fou. Il est arrivé un peu, on va se le dire, il était un peu fatigué, un peu comme ça, taiseux. Ouais, oh là, c'était un peu. C'était long, c'est vrai que c'était long. Attends deux secondes, je. Et là, tout d'un coup, t'as chanté à l'Olympia. Plus la gaffe, plus c'est pas moi, la voix de Eddie Beg. Ça ferme à quelle heure? Un mix de. C'est vraiment ta journée, elle est exceptionnelle. Ah, mais, de toute façon, et ce soir, t'es sur scène. Mais oui, mais. Oh là là, mais. On se sent bien partout, il y a Géraldine Nakache, c'est vrai. Ah, et non, en plus, quand non, vous n'êtes pas les, cœur, les derniers des. Merci c'est de les... C'est vrai que c'est merci, pas nous. Merci c'est de pas nous, nous ramener un petit peu dans l'équation, c'est sympa. Bah oui. Bah non, mais c'est vrai. Je passe un bon moment. Est-ce que je serais pas en train de passer un bon moment? Non, alors que c'est pas la bonne émission. C'est pas la bonne émission. Mais je peux me dire, est-ce que je serais pas en train de passer un floodcast? C'est peut-être. C'est une expression qu'on essaie de lancer. On passe un sacré floodcast. On passe un sacré floodcast. On se fait un floodcast. Chers amis, ça fait 1h25 qu'on parle. C'est trop. C'est énorme. Ouais, c'est donc on fait un dernier petit tour de table pour les recommandations culturelles. C'est ça que je vous ai pas prévu un peu avant. Le masque et la plume d'un coup. Alors, ouais, bah, ça veut dire qu'il y a de vire. Alors, il y a du grosse tête. C'est très large. N'oubliez pas les paroles. On a pris tout ce qui cartonne. On a fait un pot pourri. Juste, je voulais dire, le jeu donc s'appelle Charles. Oui. Alors, je sais pas si ce sera le, si jamais il sort, ce sera le même nom, mais voilà. Il faut le super, Charles. Bravo, Charles. Est-ce qu'il y a le nom des gens qui l'ont fait? Et là, en tout cas, il y a eu une campagne Ulule. Boîte, en tout cas. Il y a une campagne Ulule. Il y a eu, qui a été un grand succès, qui ah ouais a été financé. Ah bah, génial. Voilà, donc ce jeu devrait arriver dans le commerce, bien. J'imagine. Eh bah, super. Et c'est voilà. Le seul que j'achèterai. Et c'est pas, ça, il peut le mettre sur la boîte. Bah, franchement, le seul il peut. Jeu acheté ouais. Par Géraldine Nakache. Voilà, c'est. Ouais. Donc oui, c'est un petit tour. Alors, c'est pas forcément un truc récent. C'est okay. Vraiment juste un truc que vous aimez bien. Ça tombe bien pour Vincent. Vous connaissez la Môme, la Môme Piaf, un éléphant, ça trompe. Le dernier album de la Môme. Énormément. Alors c'est un groupe de copains qui vont dans un club de vacances en Afrique. Un petit spectacle de Guy Bedos, écoutez, que je me suis fait récemment. Alors là, on se marre. Mitterrand en prend plein la gueule. Vous connaissez Bobby Lapointe? J'ai entendu ça, c'est un copain qui est en maison de disque qui me l'a fait goûter. Donc du c'est coup, je sais pas si vous connaissez. C'est trop rigolo parce que c'est très répétitif. Kikakukuki. Là, je le fais pas bien. Puis je vous conseille le discours à l'Assemblée de Victor Hugo. Bon bah c'est bon, on a plein de recos de Vincent.

La vie trouve toujours un chemin. Eh bien, c'est un compte Instagram. Je n'ai pas TikTok, donc je ne sais pas si c'est si sur. Je sais pas si j'ai peu dire à la fin de cette phrase. On t'en tiendra pas rigueur. Et ça s'appelle Tasty Japan. Oh. Attends, excuse-moi, il y a quand même une connexion. C'est pour là. Ça, la connexion, elle s'est faite immédiatement. C'est ici et maintenant, j'avais pas préparé. Voilà. Et c'est des très courtes vidéos de recettes qui sont faisables. Hein. C'est pas des recettes où tu dis oh là là, ça ressemble pas du tout à la photo. Et donc ils le font live. Avec il ose pas se moquer, je précise. Mais non, il rit sous cap. Parce que c'est exceptionnel. Parce que moi, tu veux tout manger. Pas, toi, oui. Ouais, ouais. Tu veux tout manger, okay. Tu veux tout faire. Et comme c'est japonais en plus, c'est des meilleures idées, c'est des meilleurs plats, tout est mieux. C'est avec des produits qu'on peut trouver facilement. Absolument, oh, Adrien. Je vais m'abonner. Ah ouais, c'est exceptionnel. Je suis pas le dernier des petits cuistots. Ça s'appelle Tasty Japan. Très très bien. N'ayez pas peur parce que tout est écrit en japonais. Mais Les petites doses, les noms des petits aliments sont en anglais sur la vidéo, s'il vous plaît. Non, c'est worldwide. Oui, c'est worldwide. C'est worldwide, très bien. Moi, c'est que worldwide. Moi, c'est un podcast que je vous conseille qui s'appelle Script Apart. Alors, qu'est-ce que c'est Script Apart? C'est des japonais, rassure-nous. Comment? C'est japonais, rassure-nous. C'est très dur à comprendre. Ouais, faut vraiment être japonais. Quoi. Ouais. Donc, c'est un gars qui interview des scénaristes sur la V1 de leur scénario. Oh, trop bien. Alors, oh, c'est très de niche, mais par contre, ce qui est incroyable, c'est. Brise de niche, bien sûr, je vais te tirer la main un petit peu de loin. Voilà. Ouais. Il y a aussi ça dans le podcast. Ouais. Il y a de tout. C'est bon. Non, c'est la pluralité et la diversité des invités est vraiment exceptionnelle, puisqu'il y a. Ça va par Joe D'Apato, Adam Mack, évidemment, tous ces gens que c'est je ça, sais tout le temps. Ma porte d'entrée, bien sûr. Ma porte d'entrée, c'est comme ça que j'ai découvert ce podcast, mais ils ont aussi reçu Shane Black, qui a écrit L'Arme Fatale. Lily. Shane Black, like the diamond. Ouais. Ouais. Black, alors qu'elle n'est pas dans ma langue. Ah, c'est incroyable. Une chanson post-74. Oui, j'étais pas en terrain connu. On sentait que t'étais stressé et tu allais quand même sans te mouiller la nuque. Attends, par contre, me dis pas que tu t'es retenu de faire des jeux de mots depuis le début, parce que sinon on refait une émission. On refait. Non, allez, mais attention. On refait. Maintenant que tu les connais, on peut refaire. Parce que moi j'ai fait McConnacle Kin tout à l'heure qui est passé. Ah, c'est bon, entendu. Ouais, bah, Florent là, mais vous parliez entre vous parce que vous étiez pas encore dans l'émission, vous étiez un peu entre vous deux. J'ai dit McConnacle Kin. C'est passé un peu inaperçu, ouais, mais comme j'ai vu. J'ai dit. J'ai fait une blague tout à l'heure. Non, mais c'est pour dire. J'ai vu que ça avait fait un mais fou, non, on n'a pas entendu, bon. On aurait adoré. Ouais. Donc en gros, voilà. Et chaque scénariste revient sur un de leurs films. Il y a le scénariste de Forrest Gump qui parle de la V1 génial, de Forrest ça. Gump. Ah ouais. Lily Wachowski qui parle de la V1 de Matrix, etc., etc. Et donc tous ces gens parlent de ça. Ouais, c'est génial. Et c'est assez exceptionnel. Il y a beaucoup. Je comprends pas. Le mec, enfin, ça a pas un grand succès et il y a beaucoup d'épisodes. Donc voilà, je vous invite à écouter ça. C'est vachement bien. Je m'en suis fait beaucoup là en peu de temps. Alors faut parler anglais, c'est en anglais. Mais comme je dis souvent, moi j'ai pas un anglais de dingue et franchement tout va bien. Donc, tu dis ça souvent? Oui, souvent. Il le dit souvent. Souvent. Ouais. C'est un truc que je dis. Ouais, c'est ouais, ouais. Tu dis, j'ai pas un anglais de dingue, mais voilà, ça va. Dis, je voilà. Ça, ça et la chanson. C'est les deux trucs que je dis assez régulièrement. Il est énormément talentueux, mais c'est les deux de parties où voilà, ça pêche un peu. Vincent, quelque chose que tu apprécies? Oui, parce que les petites blagues là. Ça n'a pas suffi, Fernand Reynaud. Un truc japonais. Alors, non, moi je vous conseille vraiment le Japon. Comme voyage. Dans son entièreté. C'est un recours culturel et touristique. Le pays, hein. Vraiment tout dans le. Moi, pour moi, tout. Il y a tout dans le Japon qui est bien à faire. Tu dirais que c'est un mélange de tradition et de modernité. Pour moi, c'est un mélange de Chine et de Corée. Ah, c'est ça. Bien sûr. N'importe quoi, non. Allons. Sois en sérieux. Non, mais moi, je vous conseille. Alors, un compte Instagram aussi. Qui s'appelle Kids Getting Hurt. Ah bah oui. Hein? Ah mais voilà. Je connais pas. Que des enfants j'adore. Qui tombent et qui se font mal. Mais c'est horrible. C'est horrible. Mais moi, c'est très drôle. Non, c'est très drôle. Alors ouais. Eux, ils font genre non mais c'est que des vidéos où ils ont pas eu vraiment mal. Ouais, ils sont pas blessés et tout. Il y a genre la mère dit qu'il va bien. Ouais. J'y crois parfois, pas. Parfois j'y crois pas. Ouais. Moi non plus, c'est pas possible. Des fois ils sont vraiment mal. Ceux qui tombent du 17e étage. Arrête tes bêtises. Non. Et puis c'est dans les jeux. Non, c'est pas vrai. Elle fonce les sourcils. Si. Là j'ai Great Western Trail. Alors. Nouvelle-Zélande. Ça, c'est super. Quel est le principe Le principe, putain, ça va vraiment, elle va vraiment sangloter là, Géraldine. Ne me dis pas qu'il faut vendre des rails. Faut pas vendre des rails hein, et récupérer non, des tramways ou je sais pas quoi. Oh, quel enfer! Il faut les vendre en bateau. Mais quel enfer! Tu fais ta main ça de mouton, t'achètes des races différentes de moutons. Mais ça va pas! Non, moi ça me plaît. Mais fais des études, fais ton truc d'ingénieur agricole ou je sais pas quoi, et lâche-nous. Ça va pas ou quoi? Donc vendre des moutons dans des bateaux, Vincent. Ouais, et ça se passe en Nouvelle-Zélande et c'est super. Il y a ça et aussi qu'est-ce que j'ai joué? Forêt mixte. Alors ça peut-être ça va te plaire plus. C'est il faut faire ta forêt. Pas sûr. Hein. Mal barré, mal barré. Et tu plantes des arbres et ouais. Tu crois pas, sinon c'est une ordure. Bon, écoutez, merci beaucoup d'être venu. Merci. Je rappelle quand même le film Je ne suis pas un héros, que j'ai eu la chance de voir, qui est très joli, qui est un film drôle, mais voilà, c'est un super film. Le terme comédie dramatique, il est toujours un peu bizarre parce que c'est dramatique. Je trouve que ça met une espèce de chape de plomb, alors que c'est un film très léger. Oui, c'est pas très dramatique. Non, mais souvent ils mettent ça quand c'est pas que des blagues. Oui. C'est vrai, c'est pas le cas du film. Ouais. C'est pas que des blagues, mais c'est un joli film. Il y a plein de super belles idées. C'est un premier film. Ouais. Et voilà, moi j'ai trouvé ça super. Vous êtes tous les deux formidables dedans. Vraiment. Et c'est voilà, c'est au cinéma cette semaine. Voilà, si vous écoutez ce podcast, le mercredi de là, ce qui arrive là, c'est dans les salles, dans les salles de cinéma. C'est important de rigoler. Une toile, bordel, une toile, une simple toile. voilà, merci tout le monde. À bientôt. Merci, ciao, bye. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.